King, bravo, c'était très bien. Et j'ai complètement oublié. Yorobénix. Ah, et après, la dernière question que je voulais savoir. Est-ce que... moi que dalle, c'était pas bien. Je me suis foiré. Les autres ont été très bien, mais est-ce qu'à un moment donné, tout est en anglais ou il y a un petit peu de. Il y a quelques mots en français dans l'album et ceux qui découvrent les mots en français ont gagné un pint Naive New Beaters. Hey, une valeur de 2 euros quand même. Je tiens à mais c'est important d'avoir des pins comme ça. Je voudrais que vous fassiez beaucoup de bruit pour aller les voir en concert. À mon avis, c'est une tuerie. J'étais content que vous soyez là. À bientôt. C'était Lina et Paris de la Tour. On vous fait un bisou avec le mot de la fin de Stouff. C'était l'éclate. Merci Stouff. Sur Énergie. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, on se retrouve, il est 21h59. On y va, Guillaume Radio 2.0. Bonsoir tout le monde, les potos là. On se retrouve sur Énergie à partir de 22h jusqu'à minuit, là pendant 2h. Pour rigoler ensemble, si vous voulez venir à la radio, les gars, c'est à vous. Hein. À partir de 22h, on donne les clés. On reste là au cas où, mais voilà. Si vous voulez venir délire avec nous, le standard est allumé. Il est gratuit. Si vous découvrez l'émission ce soir, je m'appelle Guillaume. C'est Guillaume Radio 2.0. J'espère que les cours se sont bien passés. Je sais que c'est les vacances la semaine prochaine, donc bon courage à vous. Ceux qui sont dans certaines écoles de commerce, la rentrée c'est demain. Il y en a qui sont encore pas rentrés, c'est ça qui est énorme quoi. Bon, si vous voulez venir en tout cas délire à la maison, le standard est là. 0870 70 42 48 ou par téléphone. Guillaume au début du texto. Et vous le balancez au 6 11 12. On s'écoutera tout à l'heure WNW, le nouveau Hardwell. Il déchire, on l'écoutait tout à l'heure en entier. C'est un autre morceau qui vous fait plaisir, vous me le dites et je le cale avant la fin de l'émission avec plaisir. Gaël qui est là au standard, déjà le premier à arriver. Puis après je vous présente toute l'équipe qui est en train de s'installer, de se brosser les dents, de se coiffer pour certains. Vous devinerez qui, rien qu'avec ces deux mots. Qui se brosse les dents, qui se coiffe? J'aime du standard se coiffe. Toi tu te coiffes trop par contre, j'aime du standard. Fait précieuse un peu. T'étais pas comme ça, vous, j'aime du standard. Je suis chez le coiffeur aujourd'hui ce matin, c'est pour ça c'est qu'il m'a coiffé. Là il fait vraiment précieuse. Elle m'a fait le brushing et tout, c'est trop, c'est abusé. Non mais là, t'as, le mec on dirait ma grand-mère. Ça va mon Gaël, attends, on va dire bonjour à Gaël quand même qui vient d'arriver le premier de la soirée. Ça va Gaël? Yo, c'est qui papa? Ça va quoi? Premier de la soirée, enchanté le Suisse. Okay. T'es de quelle ville en Suisse toi Gaël? De Cours. court. Bah, vas-y, représente. Alors, salut à tous les mecs de court. C'est un petit bled de merde, tu vois quoi. Bah, non, mon roi de merde. C'est la vraie vie, les petits bleds. Hein. Avec plaisir, en tout cas. Il y a plus de vaches que d'habitants, quoi. Ah, bah, c'est très bien. Ah, bah, putain. Et parfois, il faut mieux des vaches que les habitants. Non, mais c'est vrai, en fait, parfois, t'es plus heureux dans la nature que. Et des mecs pas sympas, toi, ça. Non, mais c'est vrai, en plus, hein. T'es pas emmerdé, ouais, quoi. C'est clair. Bon, ouais. Ça, Gaël, t'es étudiant, tu travailles, toi, t'es quoi, là? Ouais, je suis en formation de pilote privé pour le moment. D'accord, ok. Eh ben vas-y, eh ben, bon courage à toi et puis bon courage à tout le monde. Hein, si vous êtes en mode rentrée demain, là, pour ceux qui sont en école de commerce, ceux qui ont les cours comme d'habitude, bah, bon courage à vous aussi. Trop cool d'avoir pris une photo avec toi à la sortie de TP. Merci beaucoup, Ben et Adrien. Salut les gars. Là. Tu connais l'actrice Marine Delterme? Non, je connais pas Marine Delterme. Marine Delterme. Non, je connais pas. Pourquoi il faut que je connaisse? C'est ça, il y a un truc à savoir. Y a... Ça va, je suis un stagiaire. Ouais, ça va très bien, Gaël. Salut tout le monde. Tu connais Marine Delterme? Ouais, elle est très jolie, ouais. Ah, c'est vrai, très jolie. Elle joue dans des séries. Après, elle est pas très connue. C'est française? Ouais, ouais, très belle. Mais comment tu connais des actrices pas connues? Bah, je sais pas, parce qu'elle est jolie, donc j'ai regardé son nom sur Google et. C'est vrai? Le nom m'est resté dans la tête, Marine Delterme. Putain, c'est marrant. Et le mec, il. Elle a un beau regard. Note les noms. Ah, j'ai bien aimé. Oui, je vois qui c'est là, et Mimi. Ouais, elle est jolie, elle a du charme. Je saurais pas dire dans tes séries de TF1. D'accord. Oui, okay. Ouais. Bon, très bien, on apprend les noms de l'acteur. sur Instagram, je suis Lina, likez les mecs, on est 580 835 hein, sur Insta en 2 minutes, là. Guillaume Play, PLEY. Je vous ai mis toutes les photos, je vous ai mis la photo. Demain, on sera avec Soprano à la même heure. Ouais, il sera là. Dans une journée pile, il sera avec nous. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. Il va nous faire un live de En Feu demain, on va bien rigoler. On a vu Jules aussi il y a un mois. Si tu me parles, VM, si tu me touches, VM, car moi, ce soir, je suis en feu. Je dis Jules il y a un mois, c'est une connerie. C'est Jeff Van Acker qu'on a eu il y a 3 semaines. Ils sont gentils, ils disent rien. Une connerie comme ça, là, c'est avant l'été. C'est ça, ouais. Juste avant de partir en vacances, Jules, on avait bien rigolé avec Jules. D'ailleurs, j'ai fait un petit signe tout à l'heure à la télé. J'ai vu pour ceux qui. J'ai fait un petit signe de Jules surprise. Si vous voulez venir, en tout cas à la maison, le standard est là. Et par SMS aussi, vous commencez les textos par Guillaume et vous les envoyez au 6-11-12. On va les lire avec plaisir là, à l'antenne, hein, comme d'habitude, les petites dédicaces et tout. C'est vrai, Julia, au standard. Salut Guillaume, salut tout le monde. T'as passé une bonne journée. Ouais, super, nickel. Ouais, c'est vrai. T'as pas la même tête qu'avant, toi. Pourquoi? C'est pas que depuis hier. En mieux ou en moins bien? Non, en vrai, je sais, t'as changé un truc. Au contact du froid, je crois. Non, mais oui, quand t'es arrivé ce matin, je ne t'ai pas reconnu. Elle a les joues rouges. Non, je te jure, c'est comme un col roulé, non? Ouais, c'est ça. Et en fait, le fait qu'on voit pas ton cou, ça te fait pas le même visage. Ouais, je sais pas comment expliquer, t'as pas la même morphologie. Il manque un truc. Ça va, Flo des cadeaux? Ouais, ça va, salut Guillaume. Bonsoir, Flo des cadeaux. Bonsoir, on se fait la bise, on se fait un check. On file des cadeaux, il y a des PS4 à offrir. Des PS4 et des tablettes Samsung Galaxy Tab E. D'accord. Et avant la fin de la semaine, normalement, il y aura le double hit de Soprano, deux hits de Soprano enchaînés. Ça sera pas demain, parce que demain, on a Soprano. Ce sera vendredi le double hit de Soprano et qu'on vous offre en haut de la Tour Montparnasse un aller-retour pour venir le voir en concert le 28 octobre. Donc voilà, ça a été énorme. Bien rigolé avec Soprano qui sera là. Donc, du coup, demain soir, 22h minuit. Loupez pas, parce que vous nous connaissez un petit peu quand on fait des émissions. Ah oui, ça vaut la le coup. Première émission en public qu'on fait depuis au moins 2 ans. Hein. Bah, énergie là, ouais. Je parle aussi, on en a fait à Rouen, on en a fait dans toutes les villes. Et tout. C'est la première fois qu'à Paris, on en fait une depuis. Non, pas si longtemps que ça, j'ai besoin. John Rashid, Squeezie, on avait eu. Ouais, mais c'était quand même quelques mois. Et c'est à combien de temps? C'était à 7-8 mois, même pas. Ah non. Ouais, si. Ouais. Ah si, ouais, 7-8 mois. En 2016, mais... c'était avant Jules. Mais le temps passe vite. Ah, c'est vrai, j'ai les zappés. Ouais, c'est vrai, ouais. Salut l'équipe, je tenais à te dire que le fuselage de la tête de Jules est impressionnant. Bisous à tous. Il n'aime pas du tout qu'on lui dise qu'il a une tête fuselée. Ouais, si on pouvait arrêter ça. Bon, Guillaume et votre dédicace au 612. Souhaite un bon kippour à tous les auditeurs juifs à l'écoute. Eh ben, salut aux juifs et bon courage et bon kippour à vous. Bonne fête alors. Ouais, bonne fête. De la part de Doyeron, salut à toi, man. Un an que je vous écoute, ça date en fait. Eh ben, bon courage. Bah, c'est plaisir d'être là en tout cas. Demain, Soprano. Pas aujourd'hui, j'avais mal vu. Eh ben, salut à la team, à l'écoute Zaina. Salut. Bonsoir à Ponto de Mer. Voilà, il y a plein de messages qui arrivent. Hein. Guillaume, et vos petits messages là, aux dédicaces hein, au 6-11-12. Alors, Gaël, t'as appelé parce qu'il t'est arrivé un truc avec des potes, c'est ça là? Oui, exactement. Il y a une histoire de plan cul et de poteau, j'ai vu sur la fiche. Oui, exactement. Mais avant ça, petit dépucelage téléphonique, ça me fait plaisir. Petit dépucelage radio. C'est la première fois que tu fais de la radio. Exactement. Eh ben, enchanté, man. Merci, Gaël, d'appeler. Avec plaisir. Alors, en fait, ouais, j'ai une petite histoire qui a eu cet été, tu vois. Vas-y. J'ai un pote qui habite sur Lausanne, une grande ville. Ouais. Et puis, il a un petit studio. Donc, il a juste son pieu à lui et puis un matelas qu'il faut partager quand on dort avec des potes, tu vois. Et puis là, c'était le 1er août, donc c'est la fête nationale, comme chez vous, le 14 juillet. Ouais. Et puis on était deux, il y avait lui, et puis encore un autre pote à moi qui dormait là, à la base. Donc on allait faire la soirée, on a bu comme des porcs, comme d'habitude, quoi. Et puis moi, j'ai ramené une grossesse. Et puis mon pote, il s'est foutu sous le pieu, déjà, je sais pas pourquoi, parce qu'il était fait à chier. Ouais. Et moi, j'étais sur la grossesse en train de faire mon petite affaire, tu vois. On a commencé à se toucher, on a commencé à se chauffer. J'ai commencé à la prod par des rives en cuillère pour faire off crête, tu vois, et tout. Tout allait bien jusqu'au moment où j'ai commencé à sentir une main qui n'était pas la main de la meuf. C'était la main à mon pote, il s'était refoutu sur le matelas. Puis j'ai entendu qu'il lui parlait, comme quoi il y avait envie d'elle, et puis tout. Ouais. Et alors il commençait à chauffer, et puis moi j'étais là, un peu choqué. Et ouais. Après, je sens que la meuf, elle me prend la main, elle le pose sur son visage, puis elle le fout en bas en disant « casse-toi ». Et c'est trop bizarre, quoi. Mon pote commence à me toucher la queue, puis toucher la chatte en disant qu'il a. Ah, avec la main de ta pote. Ah ouais, non. Si, c'est possible. Ah, il s'est incrusté, genre. Non, c'est peut-être qu'il est bien, qu'il n'osait pas le dire avant. Non, on commence par un bon plan cuillère. Allez, on se met bien dans le bain direct. Il était tellement loin qu'il a pas. Il pensait qu'elle était chaude, mais que moi je suis déjà assez timide de base, tu vois. Il pensait pas que j'allais faire quelque chose avec elle. Tu vois. Ouais, parce que lui, il est bisexuel ou pas, du coup, Gaël? Lui, je sais pas du tout, mais j'ai pas trop envie de savoir. Bah, qu'on caresse des sexes masculins. On a peut-être une petite tendance bi, mais c'est pas grave. Et qu'il avait peut-être jamais osé te le dire. Et que c'était la soirée, vous étiez à trois dans un lit, il était un peu chaud. Ouais, mais il était bourré surtout. Peut-être qu'il rêvait de toucher une bite et il avait jamais dit. Les hétéros curieux. Ouais, voilà. C'est pas comme mon délire, quoi. Non, mais tu peux être très hétéro et sucer des bites. Et très curieux. Attends. Mais en soirée, qui a bien. J'ai un stagiaire, par exemple. Par exemple, non, je le vois. Pas du tout. Entre deux hommes. Ah non, pas du tout. Je me dis, Guillaume, je me réchauffe. Je mets une veste. Un radiateur et tout. Non, pas du tout. Jamais. Et après, je rentre chez lui, il a quatre pattes, avec un énorme man derrière. Jamais à quatre pattes. Avec un mec gros comme The Rock. Qui est en train de lui tenir les hanches et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je joue au mime, je mime le chien. Je dis, ah oui, je suis en souvenir, genre. Il me dit, je joue à Time's Up. N'importe quoi. Je vais imiter, c'est à mon tour, voilà. Et puis après, j'arrive. Ah, tu me vois comme ça. Encore pire. Je rentre chez lui, trois hommes autour de lui. Ah, quatre pattes encore. Et là, je vois du blanc partout sur son corps. Non, et j'ai ce désir qui tient. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, mais enfin, je fais une pub pour. Tu vois bien, je fais une pub pour Yahoo. Ouais, je fais comme l'ancienne Miss France, je fais une pub pour Yahoo. C'est horrible ce que Et en fait, j'avais pas vu, c'est que les mecs étaient nus avec des yaourts dans les mains et j'étais du yaourt. J'ai pas vu ça. C'est sensation pure. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, tu pourrais croire que j'ai un stagiaire laid, bah non, il est pas. Mais il l'est rien du tout. Il fait rien de faire. Par exemple, l'autre jour, ça va, c'est fou, putain. Il y avait Gérard Depardieu. Je rappelle pas Gérard Depardieu. Genre des problèmes encore. J'ai pas fini la phrase. Bah ouais, mais bon, ça commence mal quand même. Tu peux boire du coup. Je rentre, j'ai stagiaire en grand écart. Oui, voilà. Avec un barbu. C'est horrible ce que tu dis là, sérieux. Non, attends, vraiment, j'en ai vu des trucs. Voilà. Mais pas avec moi. J'arrive pas à prendre du stagiaire en flag, il assume pas. Ouais, c'est parce qu'il y a rien. Il est furtif. Non. Est-ce que vous avez déjà des potes qui vous ont fait rater un plan cul? Est-ce que ça vous est arrivé? Vous alliez avoir un plan cul, vous alliez avoir une possibilité en tout cas de pouvoir faire amour avec un mec ou une fille, et bim, ce pote-là arrive et il fait une connerie, il envoie un message à la fille, il essaie de draguer la meuf, il lui balance un truc. Il interfère quoi. Comme dirait Julien Stagir, il auto. Ah ouais, l'interférence. Non mais voilà, en gros, il pose problème au problème. J'aime du standard, est-ce que t'as déjà eu pareil un pote qui t'a fait rater un plan cul? Ouais, c'était il y a pas très longtemps en plus. J'étais avec une fille donc en soirée. Et il est content. Il est content. Non, c'est pas si mal. Rendez-moi, c'est qu'il est content. Ça, c'est sûr. Pourtant, je t'ai dégoûté. Tu sais, il te regarde, il te fait. Tu n'as pas très longtemps. Je vais te le dire, Guillaume. Je vais te le dire. Je me lâche. Ce soir, je me lâche. Oh. J'ai une bonne blague. J'ai une bonne blague. On est au-dessus des autres. J'ai donc le bourré qui m'a rendu une blague. J'ai une bonne blague, je me sens d'arbre. Ouais, j'ai une bonne blague. Je l'ai une bonne blague. N'imagine pas. J'imagine pas que j'ai pris. Tiens, nous raconter une blague. 22h09, normalement, notre standardiste JM du standard, si vous découvrez l'émission, nous raconte une blague. On va. Ça fait quelques jours qu'elles sont pas bonnes. Hein. Et c'était de pire en pire. En plus, ah ouais, c'est ça. Bah, à chaque fois, il revient, il me fait t'inquiète pas ce soir. Ah ouais, mais je suis obligé. Ce soir, elle est au-dessus. Ouais. Tu vois, hier, elle est au-dessus. Ouais. Et à chaque jour, ça baisse un petit peu. Quoi. Bon, ouais, on espère que ça sera mieux ce soir. Ah bah, moi aussi, Guillaume. Tu nous l'as fait, mais d'abord, raconte-nous ton histoire. Là. Donc, c'était il n'y a pas très longtemps. En fait, j'étais avec un pote et j'ai réussi à sortir avec une fille en fait en boîte, en soirée. Ouais. Et le délire, c'est qu'elle était vraiment super chaude en fait. Direct, j'ai commencé, j'ai pu un peu la toucher, tout ça. Ouais, c'est pour ça, Et en fait, c'était la fin de soirée, il était à peu près 5h, 5h30. Et donc, on se fait comprendre que voilà, on va finir la soirée ensemble. Sauf que j'ai un collègue à moi qui était là. Il est arrivé, il était complètement fracassé. C'était pas pendant ton anniversaire? Non, non, c'était pas l'anniversaire. L'anniversaire, c'était en famille, donc il s'est pas passé, un truc comme ça. Et en fait, mon pote, il est arrivé, il a renversé son verre sur la fille. Sauf que la fille, elle a pété un câble, elle a dit c'est qui ce gros con, parce qu'elle avait pas vu au début de la soirée. Et au final, elle s'est barrée. Ah, mais. Elle, elle était jolie ou pas? Ouais, ça passe. Ouais, c'est vrai. À 5h30 du matin, ça passe. Oh là là. Oh, pas de respect. C'est quoi, c'est un torchon, genre? Non, ça va. Non, c'est ce que j'aime tout à l'heure quand il dit franchement, je me suis serré. Le bon mec tombe. Et quand tu la vois abandonnée, tu te dis là, c'est léger. Je vois la bombe, mais pas là. J'étais pas seul sur le coup, donc ça va. Tu vois, j'ai réussi à. J'ai pas compris toujours. Mais j'étais pas seul sur le coup, donc ça va. Elle était pas, si elle est dégueulasse, la fille, y a pas deux mecs. Elle était courtoisée, quoi. Ah, t'étais tout seul? Non, j'étais pas tout seul sur la fille. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs. Mais aussi, il y a le gang des crevards à la fin. Ça veut rien dire. Moi, j'ai déjà vu en boîte, franchement, des mecs draguer des meufs. Non, mais on le fait tous, mais franchement. Catastrophique. Mais oui, mais. Tu te dis, oh les gars, oh. Mais oui, mais. Respectez-vous. Tout le monde embrasse une fille pas jolie déjà. Des fois, c'est le jour. Rendre de coucher. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et vice versa. Des filles belles avec des mecs qui ont l'alcool. J'ai vu les dans les deux sens. Hein. Ouais. J'ai vu des mecs extrêmement. Voilà. Salut à ma puce d'Argentan. Vous assurez grave, les gars. Changez rien. Bis Gino du 61. Oubliez pas la blague de JM. Eh bah, t'as raison. Tiens, allez, on y va. JM du 61. Ah, direct, allez. Je vous écoute maintenant depuis le début. Tu te souviens quand JM Stagiaire avait pour surnom le Big Front. On va t'appeler le Big Front. Oh non, alors là, c'est le combo de l'agression. Bon, Guillaume, au début de votre message, les mecs, si vous voulez faire une petite dédicace ou quoi, vous êtes à la maison ici. Hein. Guillaume, et votre message au 6, 11, 12. Vous pouvez y aller. Bonsoir, Katia de Saint-Etienne. C'est l'actrice qui joue Alice Nevers. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. À ma chère Élison, que j'aime aussi, David, Dancy, bonsoir à tout le monde. Voilà. Guillaume, et le message, les mecs, au 6, 11, 12. Dans le 22, salut les Bretons, Mallory. Collège Ernest Renan, salut à toi. Bon courage à tous les poteaux bretons. Et puis on y va. JM du Standard. La blague de 22h, de 22h09, il est 22h13, c'est pas grave, on y va. Je rappelle qu'on est en direct, il y a du foot. Hein. Non, il n'y a pas de match ce soir, non. Voilà. Désolé, mais. Merde, c'est toujours du foot, donc à chaque fois, il n'y a pas eu un truc aujourd'hui qui s'est passé important. Bah, François Hollande avec le livre. Polémiques, là. Qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas si je me suis dit. Il y a deux mecs qui ont écrit un livre sur François Hollande et ils balancent un peu sur les joueurs de foot, notamment, et tout le monde se rebelle sur Hollande, là. Sur les joueurs de foot, pourquoi ils disent qu'ils sont pas mal élevés, un peu cons. Le président ne devrait pas dire ça, je crois. Ah, c'est un peu. Il parle des que les joueurs de foot sont mal élevés. Ouais. Les joueurs de foot pro. L'équipe de France notamment. Bah est-ce que tout le monde le dit alors franchement. Ouais, mais ils l'ont mal pris parce que c'est Hollande qui parle, c'est le chef de l'État, ils le prennent mal. Les mecs, ils arrêtent pas de s'acharner sur Benzema, sur machin, dans tous les médias, et puis après ils vont dire ah bah non, il a dit ça donc c'est léger. Tout le monde dit la même chose, les gars. Ouais. Et lui écrivent du coup des tweets, des lettres. Ah c'est vrai. Pour répondre en mode on est choqués. Ah oula, c'est vrai. Ah c'est monté un peu. Ah, j'ai pas su. Attends, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Bah après. Attends, je sais même pas ce qu'il y a eu là. Stéphane, attends, j'en sais rien. Non, franchement, je sais même pas. Je suis désolé. Ouais, bah attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Twitter et Facebook coupent l'accès à leurs données pour une société qui surveille les manifestants. Alors je sais pas. Eh ben les mecs, merci beaucoup en tout cas pour les messages. Drame, ça va. Ça fait vraiment du bien de vous retrouver, de pouvoir rire avec vous. 4 ans et demi que vous êtes mon rayon de soleil. Merci ma Fanny du 59. Bisous. Guillaume et votre message les gars au 611-12. J'ai un stagiaire. Tu racontais un truc. Non c'était JM du Standard. Blague. Et après tu vas nous dire JM du Standard, les potes qui vous ont fait rater un truc comment parler. JM du Standard on t'écoute. Ouais. Donc en fait c'est deux mecs, on va prendre au hasard Rocco et Julien Stagiaire qui sont dans les toilettes de bar en train de pisser l'un à côté de l'autre. À un moment, Julien Stagiaire, il se penche un peu, il voit l'énorme sexe de Rocco, tu vois. Alors il demande, il fait, mais comment tu fais pour en avoir une aussi énorme? Et Rocco, il lui explique, il lui dit, voilà, si tu veux en avoir une aussi grosse, il suffit que tu la cognes sur les murs plusieurs fois par jour. Et lui, en fait, il la cogne à côté de la rampe d'escalier en montant dans sa chambre. Ouais. Donc quand Julien Stagiaire, il rentre chez lui, tu vois, il sort son sexe, il arrive comme ça, il s'approche de la rampe, il commence à la taper, et d'un coup, il entend la voix de sa femme, il fait, Rocco, c'est toi? Fais vite, parce que le stagiaire, il va pas tarder à rentrer. Oh, le malaise! Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Ah, il fait ça chez lui. Voilà, c'est bien fait. Mais ils sont vraiment de plus en plus mieux. Ouais, mais je passe des heures, Guillaume. Non, mais attends, Gaël. Je dors plus de la nuit, Guillaume. Gaël, je suis. Mais non, mais Guillaume. Gaël. Oui. Non mais dis-lui que c'est pourri, dis-lui, parce qu'il me croit plus. Non mais là il faut qu'il vous y achetez le livre, les blagues. Je les ai toutes lues. Non, franchement c'est pas bon. Il y en a, il m'a sorti 5 blagues, je les ai finies toutes avant qu'il ait fini. Mais je m'en fous, t'en as de ta vie. Mais oui, mais je passe mes journées sur des sites de blagues, je dors plus la nuit. Des blagues rigolotes. Je dors plus la nuit. On le plaint. Mon boulot il est hardcore. Je vais lire, je passe les jours sur des sites de blagues. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Et t'en trouves pas quoi? Plus. Ah ouais. Et ben il est peut-être le temps de passer la main. Alors, j'en ai un jeune frais qui a envie de faire des blagues. Bah, qui me sort des blagues à moi. Il y a un petit garçon dans le studio là. Il y a un petit garçon. Oui, bonsoir, salut Guillaume. Bonsoir, attends, comment tu t'appelles? Je m'appelle Geoffrey et j'ai entendu J'aime du Standard faire des blagues. Franchement, il a un niveau de merde. Alors, moi, si tu veux, moi j'en ai une et je peux t'en faire une. Ah, bah, tu veux venir tous les soirs alors? Ah, bah oui, parce qu'il est vraiment pourri, J'aime du Standard. Il est naze. Comment tu le trouves physiquement? Mais il est moche, franchement, même ma grand-mère, elle est plus jolie. Ah, très bien. Oui. Alors, tu veux faire une blague? Mais là, j'en connais pas, mais si tu veux. Ah. Il s'est retrouvé blessé là. Dédicace à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus avec un père dans le 29. Salut Nathan. Salut. Salut. Je viens de voir le film Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est trop bien. Bah voilà, merci, salut Zoé. Katia de Sainte, j'aime trop votre émission. Écoute, ah, bah, Guillaume et votre message aussi 112. Si vous voulez balancer les dédicaces, si j'ai un stagiaire, tu lui peins la gueule orange, il ressemble à un cône de chantier avec sa tronche rosée qui fuselé. Mika, n'importe quoi, un cône. Toujours le même. Mais le mec, je lui ai rien fait. C'est une blague, ça, c'est pire que les blagues que faisait Julien au battle. Oh, non, j'ai un stagiaire faisait un battle de l'humour avant, où l'un d'entre vous venait défier Julien Stagiaire. Il faudrait qu'on le refasse, ça, là. Ah, ouais. Il faudrait revenir avec la Starac aussi. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu chanter à l'antenne, là. C'est vrai, c'est vrai. J'aimais bien quand vous veniez chanter à l'antenne. Si Gaël, tu chantes, toi, de Suisse, là, puisque t'es là, tu as chanté. Ce que tu veux, vas-y. Non, tu chantes pas, toi, tu sais pas chanter, ouais. Non, pas vraiment, quand tu pouvais, ouais, mais. Ah, et il faudrait que je prenne. Et de... c'est quoi, demain on refait la Starac avec Soprano? Vas-y, bah oui, vous chantez. Je le décide maintenant. Allez, du Soprano. Eh, demain, bah il faut deux mecs qui viennent chanter du Soprano par téléphone et Soprano dira qui est le meilleur. Il fait le jury. Et, bah voilà. Et vous m'envoyez Guillaume et Soprano avec votre numéro au 612 si vous savez chanter ou si vous savez chanter comme une merde aussi, bah ça oui, fera rien. Bah oui. Et je vais en prendre deux demain après-midi, je vous appellerai les mecs. Guillaume, Soprano avec votre numéro au 612. Excellent, la blague de JM du standard, elle est géniale. Merci beaucoup. Non, non, non. Dis à Julien le TB qui, à un moment, qui a la Woman Champions League avec les filles, les teubés, le teubé, qui a la Women's Champions League avec les filles de l'OL qui gagne 4-0 pour le moment. Ouais, j'ai vu contre un club norvégien, je crois. Bah dis-le, j'ai stagiaire. Ouais, ouais, oui. Pour montrer le qu'on est en direct. Ouais, bah, et heureusement, vous êtes là et mon équipe ne me suit pas. Non, mais attends. Vous vous rendez compte un peu comment on est en auto. On n'est pas en autosuffisance, c'est dingue. Ouais, mais ça va, attends, j'ai dit François Hollande. Le seul point positif de finir le boulot à 22h, c'est de vous entendre sur le trajet du retour. Ah, merci les mecs. Allez, on se fait Feder et Ayono. La nouveauté là, on fait de l'ordre. On se cale maintenant, juste après. Gims et Jules, on se calera celui-là. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ouais. Ça va être toi, seul, je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui, tout battait, hier, ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou. On va se le faire dans deux minutes et on se fait le nouveau Bruno Mars. On a dit qu'on s'écouterait aussi 24K. Magique, le calme maintenant, 22h18, Guillaume et le message. Venez les raconter un peu une histoire. Est-ce que vous avez déjà des potes qui vous ont fait rater un plan cul pour une raison ou pour une autre? Et si vous voulez faire une dédie, les mecs, ma coach de sport, merci d'affaire, mais des leggings de sport super sexy, je deviens fou. Vas-y, balèche ton numéro. Laissez vos numéros, les gars, on parle de ce que vous voulez, c'est votre radio, on rigole, on est là pour se faire plaisir le soir sur Énergie, c'est l'émission où on est tous ensemble, les mecs. Guillaume Radio 2.0, et Facebook, Twitter, Instagram, Guillaume Play, et puis à le Y, on est 600 000 sur Insta et Twitter, et 2 millions sur Facebook, merci les mecs d'ailleurs. Bon courage pour les cours, on est ensemble. On se retrouve dans 30 secondes, on se fait plaisir avec nouveau Bruno Mars sur Énergie. Pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the bad bitches and your ugly old friends. I cannot preach. Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how I can get it in. First, take your sip. Do your dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh. We too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. I look out. Break it down like 24 karat. Invite the feeling, just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all? lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, sur Énergie, nouveau. 22h21, bonne soirée, les gars. 22h minuit, on est ensemble hein, sur Énergie là, pendant 2h. Salut Guillaume, je suis un stagiaire avec sa gueule fusion, on dirait Patrick dans Bob l'éponge. Non, n'importe quoi, je suis pas une bonne dessinée. Je suis un stagiaire, il se fait défoncer. Alors que je suis gentil, je dis rien. La plus belle famille, c'est vous. J'aime mes soirées grâce à vous. Ah, c'est sympa, les gars. Merci hein, d'être hyper nombreux. Content de vous écouter en rentrant du boulot. Je rigole toute seule. Et bah voilà, Guillaume et vos dédicaces au 612. C'est de venir faire un message, faire un coucou, faire une bise ou quoi. Venir raconter un truc hein, qui vous arrive, une petite merde ou un truc vraiment drôle. Vous êtes à la maison, on sera le nouveau Hardwell tout à l'heure qui déchire aussi, c'est celui-là. Ok. Vous allez bien? C'est qui, papa? On écoutera. Il y a Kevin, on se racontait des potes qui vous ont fait rater un plan cul, ça, Kevin? Salut Guillaume, ça va? Salut. Vous allez bien? Et après on se fera le jeu du médecin de village là. Faire passer pour le médecin, le nouveau médecin du village chelou qui invite à la pendaison de crémaillère de son cabinet. Je serai avec mon infirmière Kevin. Oui bonsoir Kevin, je suis l'infirmière de mon médecin. Enchanté. Si jamais tu veux qu'il te soigne ou quoi Kevin, j'aurai des promotions ce oui. soir. Oui. Avec plaisir. Nous t'attendons dans notre cabinet Kevin. Voilà. Et là à chaque fois c'est un nouveau jeu qu'on a inventé il y a quelques semaines. On a fait le jeu des forains hier, on a beaucoup rigolé. Et on va la réécouter d'ailleurs. Ouais, ça dure 3 minutes, ceux qui étaient pas là on a tapé une barre. Tu vas nous raconter, Kevin, t'as un pote qui t'a fait. C'est un coloc hein, qui t'a fait louper un plan cul. Ouais, ah merde. Mon ancien coloc, ouais. Bah, tu vas nous raconter ça. Il y a 30 secondes de pub, il est 22h22 et on se retrouve juste après. Il y aura Garek, il y aura Jim et Maître Gims et Joe. Je garde la foi, je suis le chasseur de la proie. Ouais, ouais, ouais. On se le fait juste après ça. Ok. Merci. Numéro 1 sur les hip-hop, R&B, dance. Music only. Warcraft, le commencement. L'adaptation du célèbre jeu vidéo en Blu-ray et DVD. La Horde et l'Alliance s'affrontent dans un déluge d'effets spéciaux et de batailles spectaculaires. Nous protégerons le royaume. Choisissez votre camp. Warcraft, le commencement en Blu-ray et DVD. Avec énergie. Gagnez avec énergie des box all inclusive Société Générale avec des iPads, des MacBook Pro, des séjours, du cash. Vous êtes étudiant ou apprenti? Alors rendez-vous sur boxallinclusive.energie.com. Écoutez Koï de 19h à 22h sur énergie. Une box Société Générale d'une valeur maximale de 16 000 euros à gagner par tirage au sort chaque semaine jusqu'au 18 octobre. Énergie, hit music only. Événement. L'aventure Friends Trip revient pour une nouvelle saison sur Énergie 12. Quatre équipes de trois amis vont vivre un road trip hors du commun au Canada. Au bout de l'aventure, un seul d'entre eux pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. Défis extrêmes, amour, stratégie, aventure, trahison. Ils vont devoir se surpasser pour remporter le road trip de leur vie. Leur amitié résistera-t-elle? Friends Trip, saison 3, à partir du lundi 24 octobre à 18h15 sur Énergie 12. Leclerc. Les super pouvoirs d'achat continuent chez Leclerc. En ce moment, deux packs de Volvic achetés, deux packs offerts. Deux achetés, deux offerts sur de la Volvic. Parfaitement. Deux packs de Volvic achetés, deux packs offerts. En ce moment, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Du 11 au 15 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour l'achat de deux packs de 9 litres d'eau minérale naturelle Volvic, deux packs sont offerts. Vos modalités dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeu et règlement sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Slimane. Si je m'en sors, si je m'en sors, si je m'en sors, si je m'en sors, si je m'en sors, si je m'en sors. Slimane. Son premier album, déjà disque de platine, inclut son nouveau tube Adieu. Words, I can hear the whispers around me, around me. Hurts, it hurts if I let all the poison in, if I let them win. Thank you. at the bitches. Lift them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Arrive à le faire pendant 2 heures sans s'arrêter. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, bonne nuit les mecs et dormi. On se calera tous les plus goïdes sur Énergie de façon à partir de 22h, hein, les gars. Bon courage à vous, Guillaume Play, PLEY. On vous a mis toutes les photos sur le Facebook de l'émission. Guillaume Play, du coup, PLEY, si vous êtes 2 secondes. On est là, PLEY, pour venir nous retrouver sur Twitter. On est combien, JM du standard sur Twitter d'ailleurs? Je te dis ça tout de suite. Allez, vas-y, fais-nous un petit check-up. Ouais, un petit refresh. Et après, on prend toutes vos réactions. Est-ce que vous avez déjà un pote qui vous a fait rater un plan cul? On va en parler. Sur Twitter, on est exactement 473 540. Ouais. Sur Instagram, on est combien, JM du standard? Ah bah ouais, il faut rafraîchir aussi. Pourquoi j'ai plus vite que toi? Moi, je comprends pas. Parce que la plage n'était pas ouverte. On est 580 883. Ouais. Et merci les mecs sur Twitter. Ouais. Et sur Facebook, allez, vas-y, ouais, essaye de me dépasser une fois. Allez, je te laisse le dire. 1 953 764. Voilà, Guillaume, merci. Play, vous tapez avec un P comme Patrick, un PLEY, on se retrouve dessus les mecs. Et il y avait Kevin qui est là, 24 ans de Clermont-Ferrand. Tu m'entends, ouais, Kevin? Vous allez bien? Salut. Ça va ou quoi, mec? Déjà passé à la radio ou jamais, toi? Ouais, déjà pas avec toi aussi. C'est vrai? Ah, c'est sympa. Ouais, ouais, j'avais pas le même numéro, j'ai changé de numéro, je change tous les ans généralement. C'est le retour du fils prodigue. Il y a un objet apparemment de fou avec Jordan, notre apprenti. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Il nous trouve un objet par semaine, un objet de ouf. Et toi, il va nous raconter ça tout à l'heure. Voilà, Jordan l'apprenti. On va se faire aussi le jeu des médecins de village. Et on va réécouter notre nouveau jeu d'hier, hein, ceux qui l'ont pas entendu hier, le jeu des forains. Ouais. On va le réécouter tout à l'heure. Et alors, tu travailles dans quoi, toi, Kevin, alors, du coup, là? Je suis routier, moi. Routier, bah vas-y, dédicace, hein. Bon courage à tous les routiers. Big up de nuit. Big up. T'es dans le camion là? T'es un camtar? Tu es dans la cabine? Ouais, je suis en camion. Bah là, je viens de m'arrêter parce qu'on m'a dit que ça faisait trop de bruit. Donc... Ah, c'est vrai? Ah, merci. Tu t'es fait rouspéter par Julia ou quoi? Voilà, c'est ça. T'as dit calme-toi. Merci à vous d'être là, les gars. Je me tape des barres tous les soirs depuis que je vous écoute. Dommage que l'émission ne dure pas plus longtemps. Merci, mon Gino, ouais. Du 6-1. Ouais, c'est gentil. Ouais. Mais je préfère que tu me dises dommage qu'elle dure pas plus longtemps que putain, elle est un peu trop longue, l'émission. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il n'y a rien de pire, quoi. PNL, ils viennent quand dans l'émission? Bise sur la chatte touffue du stagiaire. Bah, j'ai pas Kevin de Brest. Ah, je suis un mec, hein. J'ai stagiaire avec clitoris. Oh, arrête, j'ai pas de clitoris, du coup. C'est nul. J'ai un gros dossier sur JM du standard. Appelle-moi, franchement, fourré, rassuré. Et bah, laisse ton numéro, je vais t'appeler, mon gars. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Kevin, alors? Ah, moi, c'est mon ancien coloc qui m'avait fait louper un plan cul, mais mémorable, hein, c'est-à-dire? Si tu veux, c'était une fille que lui, il convoitait depuis un petit moment, quoi. Enfin, il en avait envie de niquer, grossièrement. Ouais, quoi. Ouais. Et donc si tu veux, un jour, moi je la connaissais pas, on fait une soirée, donc il me dit ouais, c'est elle et tout, donc moi vas-y, moi je suis parti, je vais tchatcher avec elle, tout ça. Ouais. Et puis bah si tu veux, moi le feeling était super bien passé avec elle, et puis la semaine d'après elle vient à l'appartement, tout, et puis on commence à aller dans la chambre. Moi j'étais clean, tu vois, j'étais célibataire, je m'amusais normal. Ouais, normal. Et je rentre dans la chambre, tout, et puis mon coloc, au bout d'un quart d'heure à peu près, 10 minutes, un quart d'heure après, il rentre dans la chambre, j'étais en train de me faire sucer, il me fait ouais, gros, il y a ta meuf qui arrive, comment tu fais et tout. Ah, t'étais en couple, il rigolait ou pas? Ouais, mais en fait, si tu veux, c'était par jalousie, quoi, parce que lui, ça faisait 6 mois qu'il essayait de l'avoir, il l'avait pas eu, et du coup, bah, j'ai eu le droit à une calotte, et puis la meuf s'est barrée direct. Non, c'est vrai, ah t'as une claque. Ouais. C'est normal, c'est pas bien ça. Moi, je me serais énervé. Ah ouais. Bah, c'était un de tes potes ou. Ah, le bâtard. Bah, c'est pour ça que maintenant, c'est plus mon coloc. Ouais, ouais, mais est-ce que c'est toujours ton pote? Non, pas spécialement. Ah ouais. Ouais. Ah, ouais, non, ouais, ça va, c'est pas non plus. Excuse-moi, mais c'est moi, je prends très mal. Hein. C'est drôle, la fille. Et la fille, ne t'a pas cru. Je l'avais très mal pris, ouais. Ah ouais. C'est normal que la fille ait le point. T'imagines, t'es en train de te faire sucer vraiment par une bombe atomique. Ouais. J'aime du temps, imagine, tu fais sucer par Jessica Alba. Ouais. Et y a un coloc, un pote qui arrive qui fait hey, non, y a ta meuf qui arrive et là, elle se barre et lui une claque. Ah, je le. Ah ouais. J'y en mets une. Ah ouais. Le fait direct, pas, tu la rattrapes, ouais. Je la rattrape, Jessica. Tu lui cours après. Ouais, elle retourne. Fait, Jessica, c'est pas vrai. Je ne suis pas marié. Ah oui. Je n'ai eu qu'un plan cul. Elle a qu'à attendre au pire, elle verra bien. Ah, mais exactement. Y a pas de meuf. Je dirais, vas-y, prends mon portable et tout. Ouais, c'est clair. Je comprends. Faut pas être transparent moi, comme ça. La meuf m'avait déjà demandé, moi, si j'étais célibataire, tout ça. Je lui ai dit que oui, pas de soucis. Donc, c'est pour ça, du coup, elle a tout, je lui avais menti, etc. Quoi. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Mais ça me. Enfin, je sais pas à quoi ça sert. C'est une blague d'un pote. Ouais, moi, juste une fois, j'ai un pote qui m'a collé. J'ai pas pu aller chez ma meuf et tout à l'époque. Mais c'est vraiment, ça m'est arrivé qu'une fois. Parce que moi, je me laisse pas trop démonter par les potes avec les meufs. Ouais, attends. Non, mais c'est vrai, je mets des barrières hyper importantes entre les. Genre, moi, je présente pas au début. Il faut vraiment que ça fasse 4-5 mois avant de présenter mes potes. Mais au début, je présente pas, je la vois un petit peu en cachette, en loose day, on se voit un peu chez moi, chez elle. T'es méfiant. On se voit la nuit seulement. On se voit que à l'intérieur, jamais dans la rue. Dans un parking. Non, mais c'est vrai, je fais un peu les trucs. Et après, que quand je vois que ça dure un petit peu, je la présente à mes potes et tout. Mais bon, je l'ai déjà consommé. Voilà. Le produit. Non, mais attends, c'est vrai. Elle te connaît bien, du coup. Après, on m'a jamais volé, j'ai eu de la chance de meuf. Juste à dire, est-ce qu'on a déjà pareil, on t'a déjà un pote qui t'a fait rater un plan cul. Ouais, un pote bourré, j'étais en soirée, j'avais pécho une meuf, elle m'a ramené chez elle, sauf que j'étais avec mon pote en soirée, donc je pouvais pas le laisser tout seul parce qu'elle était tellement bourrée que rentrer chez lui c'était impossible. Ouais. Et du coup, la meuf, elle a dit, bah ramène-le avec moi. Donc on est allés tous les trois chez elle, et là, le mec a commencé à vomir chez elle, et du coup, j'ai rien pu faire avec la meuf à part de le gérer. On a géré mon pote avec la meuf que j'ai serré en soirée. Et c'est là, t'as géré la meuf. Non, j'ai géré mon pote bourré. Ah oui, oui. Tu me sais dire quoi, tu géré, tu l'as porté? Bah oui, je l'ai porté. Tu l'as sucé? La meuf tellement gentille, elle lui a filé son lit pour qu'il s'endorme tranquille. Ah ouais. Et nous, on a tapé le canapé, on n'a pas pu coucher ensemble. Bah, si tu voulais. Non, parce que mon pote, il criait. C'était une excuse, ça. Bah, elle m'a ramené chez elle, donc à un moment donné. La fille, elle a cherché un petit peu l'excuse. Elle ramène deux mecs chez elle en même temps. Ah, mais oui, mais si vraiment tu as envie d'un mec. Ouais, mais trop ingérable, pote. Non, mais franchement, et t'as même pas embrassé? Si, bisous. Ah. Les préliminaires, ça a commencé à se tripoter, tu vois. Et après, c'est pas allé plus loin. Ça s'est tripoté sur le clic. Sur le canapé. Pas sucé, mais presque. Ah, c'est vrai. J'ai de quoi, j'ai le sonar. Même pas sucé. Même pas sucé jusqu'au bout. Mais après, il y a mon pote, chaque fois, il était là. Mais non, mon pote était conscient quand même. Il voyait ce que je faisais. Je crois qu'il faisait ça par jalousie, je crois. Non, il criait, il faisait que de se lever. Là, j'aime du sonar. On l'appelle. Ça sent le mythe. Il n'y a pas de mythe. Non, pourquoi je dirais ça? Quand vraiment tu veux, tu peux. Tu vois ce que je veux dire? Si la fille est. Je te crois pas une seconde. Soit la fille, elle est morte bourrée. Bah, tout le monde était un peu bourré. D'accord. Ou alors, elle avait pas envie de toi, elle était heureuse que tu aies ramené chez elle. Alors, franchement, excuse-moi, mais enfin, t'as le droit de mentir aussi. Mais enfin, pourquoi je mentirais là-dessus? Attends, alors, c'est toi qui vas se prendre. Ah oui, justement. Et personne te croit, regarde. Bah, tant pis, mais c'est la vérité. Attends, Julia, t'as déjà une pote ou un pote qui t'a fait rater un plan cul? Ouais, moi j'étais en fait en vacances et tout avec ma meilleure pote et j'avais fait une pause avec ma meuf. Et donc j'avais qu'une envie, c'était de me changer les idées parce que j'étais un peu triste. J'étais un peu triste et tout. Non, mais c'est vrai, c'est la traduction. Attends, quand tu restes longtemps avec une nana, tu l'avais dit l'autre fois que ça te manquait. Ouais, c'est vrai. Et clairement, en fait, je voulais me changer les idées parce que j'étais un peu triste et tout. Donc je commence à tchatcher un mec, machin, je suis en vacances. Bon, c'est bon, je peux coucher avec un mec comme ça en vacances. Et elle commence à lui raconter, ma meilleure pote, que j'avais une meuf. Et le mec, ce gros con, ça l'a dégoûté. Bah, au ça contraire, non, c'est vrai. Ah, non. Lui aussi, il est teubé alors. Il s'est dit, ouais. T'es qui pour le juger de groupe? Non, mais j'ai trouvé que ça réagissait. Il a le droit d'être dégoûté par deux femmes. Ouais. J'ai pas pu me faire ce mec-là parce que, selon lui. C'est vrai, non, mais moi, et me taper une lesbienne, c'est mon plus gros fan. Bah oui, c'est tourner une lesbienne. Moi, je paye direct. Et lui dire, tu vas pas goûter. Tu veux pas, c'est tout ça pour moi. Attends, c'est génial. Attends, j'aime ça, une lesbienne. Ouais, jamais fait encore. Ah si, une fois, mais juste des bisous. Franchement, c'est le meilleur truc. J'étais allé dans une bar de lesbienne et en fait, je suis sorti avec une fille. Elle m'a dit qu'elle aimait les filles, ça irait pas plus loin, mais je suis juste sorti avec elle. J'ai pas couché avec elle, mais voilà, j'ai quand même fait des bisous. Ah, t'as fait des bisous avec une lesbienne? Ouais, ouais. J'ai tapé une lesbienne. Fantasme, jamais fait. J'ai t'agère, je tape que des lesbiennes. les catégories porno, c'est lesbien en ce moment aussi. Ah, c'est lesbienne, vrai, très lesbien. Ah ouais, 3-4 meufs en même temps là. C'est bien, c'est bien. Ah, c'est trop bien. Ouais, 3-4 meufs. Après l'émission, ça fait ça soulage. Ah, 4 filles qui se lèchent, quoi. Ah ouais, lesbienne orgie. Moi j'aime pas trop lesbienne orgie. Ah si, ça monte. Moi j'aime bien quand la fille se fait démonter. Je suis tombé sur une vidéo russe, j'avais 20 meufs. La vidéo avec que des meufs, ça. Oui, non mais. Bien sûr. Ça c'est... queen, ça crie, non, mais... c'est trop bien. Ah là là. Ça... mec, c'est une porcherie quoi. Ah mais oui, alors non, ça non, c'est. Mais... non mais en plus, non mais je suis d'accord. Tu t'imagines au milieu, pam. C'est... Oh non mais bah, justement, tu t'imagines, bah prends une vidéo où il y a un mec. Ouais, ouais, ouais. Moi, ouais mais j'ai pas imaginé. Je préfère l'imagination, l'imaginaire. Ah, c'est vrai. Ouais. J'ai déjà. Il s'imagine à la place de la fille. Non, non. S'imagine. Pas du tout. Il se met des faux seins et puis il se caresse. Non, non, non, non. C'est faux. N'importe quoi. Bon, en tout cas, si vous voulez venir à la maison à 22h37 hein, sur Énergie le soir, on est là, on se raconte un petit peu nos histoires, hein, comme Gaël. Là. Est-ce que vous avez déjà eu, comme Gaël, comme Kevin, hein, les deux gars qui sont là ce soir avec nous pour commencer l'émission, est-ce que vous avez déjà eu pareil un pote qui vous a niqué un plan cul, hein. Elle était très jolie, la fille que tu t'étais serrée, toi, ton coloc, t'as enlevé le plan cul. Ouais, franchement, elle était pas mal. Elle était pas mal. Elle était surtout bien gaulée. Elle avait un bon corps. Elle avait un cul. C'était un peu un appel au viol, l'histoire. Non, non, pas mal. Et attends, et donc, t'as pu te faire sucer jusqu'au bout? Bah non, du coup. Ah non, ouais, ouais. Même pas. Et tu l'as jamais revue? Et je l'ai jamais revue. J'ai essayé de la recontacter après derrière et elle me répondait pas au message du coup. Donc elle était vraiment énervée que soi-disant je l'avais menti quoi. Ah ouais, ah ouais. Faut pas forcer si elle répond pas. Elle est rigide la fille. Ouais, quoi, elle a pas envie la pomme. Ah ouais. Ouais. Ça va. Non, c'est vrai. Après moi j'aime bien envoyer un message. Je me laisserai pas faire. Je ouais. En fait sur un truc qui est pas vrai ça m'énerverait. Juste le principe. Mais va chez elle au pire. De me dire attends moi j'ai rien fait. C'est pour ça que je lui ai renvoyé des messages derrière tout ça pour essayer d'arranger le truc, parce que j'avais envie de la niquer quoi. Ouais. et puis non. Bah. Bon. Ah, normal, quand t'es célibataire, tu profites aussi. Hein, mais... c'est quoi ton plus beau plan cul, Kevin? Est-ce que t'as eu un moment dans ta vie sexuelle, un truc qui t'est arrivé de ouf? Le plus beau, je crois que ça a été deux jumelles en même temps. Non, c'est vrai? Je comprends pas. Ouais. Un plan à trois, ouais. Tu l'as fait ça? Véridique. Oh là là, véridique. Alors, comment? Bah par contre après voilà tu vois je vais pas me vanter en disant que je suis un super héros parce que clairement j'ai pas assumé longtemps hein. T'as joué direct? Ouais, 20 minutes à tout péter grand maximum hein. Attends, mais à quel moment tu rencontres des jumelles ouais. Et tu couches avec? Franchement explique-moi parce que à part dans les films Mister tube. Parce que c'est non sérieux. Attends, non, je sais que ma grand-mère! Ah oui! La grand-mère! C'est pas la fin! Bah. Non, attends. Il faut des cadeaux. Grand-mère! Oui! Grand-mère! Oui! Qu'est-ce que vous avez préparé pour le goûter? J'ai faim! Eh ben, j'ai préparé un petit ragoût! Non! Oh. Il me dégoûte. La vie m'a mis. Attends, j'ai une sonnerie, il va le faire. Attends. Oh là là! Ah, ouais, le fait de le dire, ça fait. Attends, j'enlève mon petit sweat là. Attends, j'ai chaud. Attends, j'ai une sonnerie. Grand-mère! Oui! Hey, grand-mère! Oui, mon petit-fils! Non, non, non, non, non. Il est fort, mais. Ça va, c'est vous. Enfin, vous. Salut les mecs. Ah, bah merci, man. J'ai déjà sus un cum pour un bal. Je suis salut. Ma copine a entendu c'est qu'il papa quand elle me suçait, elle a éclaté de rire. Du coup, j'ai débandé direct. C'est qu'il papa! Quel story de fou, mais j'avoue que moi je l'aime tellement la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. JM du standard, c'est la salope blonde qui m'a empêché d'arracher le reste des cheveux du jeune stagiaire quand je prenais les chiottes d'une boîte de nuit. Salut à toi. Ça merci, va pas ou quoi? C'était violent. Salut Maki. Voilà, gratuit le message. Faut pas aller lire ces messages. J'ai un stagiaire pour songer, il a enculé un pote. Salut à toi. Non, j'enculé personne, pas des mecs quoi. J'ai un stagiaire, arrête tes conneries, tu payerais pour te faire enculer par double. Non mais les gars. Non mais hey, qu'est-ce que j'ai fait aux gens? J'ai un stagiaire, il est double obus. Non mais pourquoi vous. Il a rien fait, je suis innocent dans le truc. Continuez d'envoyer vos messages. Non, non, pas sur moi. Non mais pour l'émission. Ah ouais, ou ça. Guillaume et votre texto au 612. Un jour, j'ai regardé Brisonis et que j'ai un stagiaire. Ah, moi, je vais casser les culs, c'est Jean-Jacques. C'est nul. C'est gratuit. Ça sert à rien. Gratuit, ouais. Mais alors, moi, tout ce qui est gratuit, je prends. Ah ouais, mais pas moi. Le gratuit fait justice. Beaucoup rire. Ah, il y a eu un premier extrait de Sopra. Là. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui, regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon épreuve. Aujourd'hui, il y a une nouveauté de Tiaï. Black man. Running from the law like Pat Man. Try to throw the roll in the trash can. Got smoked by a cop on the dash can. Mugshot on the news, he a mad man. When all he did was hustle on the cash in. If he didn't kiss the jail, he wasn't cracking. Too many felonies on my jacket. Et après, on va raconter jeudi avec les points. Ouais. We seen too many rappers get put in casket. Too many young baby. Il y a le nouveau Rick Ross. It ain't no users on the block. Switch side, you better stay. On écoute les 5 morceaux qui sont sortis à la journée à chaque fois. Il y a J Balvin, le nouveau. Que nada te importe, no te me comporte. Si no estás listo, mejor que la misión aborte. Que esto lo empezamos el fin de semana. Y terminamos el lunes por la mañana. La quito no te va con la mente sana. No te me viste santa si tú eres mala. Que se prenda el par. que de ce genre de son pour niquer. Je sais pas, t'as une musique sur laquelle t'aimes bien faire l'amour, toi. Bah non. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois. J'aime pas trop la musique pour niquer. Non, attends. Je suis piqué. Non, il n'y a pas de son, je veux dire. Ou alors la télé en sur Belinda d'aime pourquoi. Ouais, je pourrais, ouais. Belinda. Ouais, ça me fait rien. C'est chelou. Je sais déjà, c'est le vide-couille de la guêpe. Non, les gars, hey, je peux aller porter plein de choses. Je sais déjà, c'est un éveil afghan. Pas pour rigoler. Salut mon équipe préférée, j'ai perdu mon papa il y a 4 mois et c'est toujours très dur à supporter. Peux-tu passer? Oui, mon papa. Salut, gros bisous, Luc. Salut. On t'embrasse, mon frérot. Gros bisous à toi. On se casse ce que vous voulez le soir. Bon courage, on te fait un gros bisou, mon poteau. J'aime du standard, il a vraiment une tête de Kinder Surprise. J'ai même pu finir de le faire sucer, vexé. J'ai pissé dans sa cafetière, Rico le betteravier. Qu'est-ce que tu dis? Je viens de me casser la jambe au rugby, vous me remontez le moral. Oh putain, bon courage, les gars. Bonne chance. Bon, bon courage, les frérots. On se raconte un petit peu comme mon Kevin, là, qui est là au standard. Hein. Kevin, là, t'as vraiment pécho deux jumelles en même temps, Kevin, sincèrement. Ouais, sincèrement, oui. Mais c'est même pas moi, en fait, qui suis allé, on va dire, les chercher directement. C'est elles qui sont venues. Plus ou moins, moi je parlais avec une en fait, et il y a la deuxième qui est arrivée en disant qu'ils étaient vachement ouverts, qu'ils pouvaient faire des trucs sympas, etc. Et je les ai suivis. Et attends, c'était où? Franchement, j'ai du mal à croire. C'est des Françaises. Pourtant, t'as l'air d'être un mec bien, mais. Attends, tu fais trop de bruit, Kevin. Tu fais trop de bruit. Il y a le train qui passe. Désolé. Non, c'est un camion qui passe sur le bord de la route. Et non, attends, franchement, tu l'as rencontré où cette gonzesse là? Ouais, c'était en boîte de nuit, c'était dans le sud, c'était au Cap d'Agde. Ah ouais. C'est libertine un peu. D'accord. Et donc c'était vraiment des meufs du. T'as pas précisé le principe. Elle était venue pour ça, quoi. Ouais. Elle cherche un peu. Et c'était joli en plus, les meufs, ou c'était genre un peu du bas de gamme? Non, c'était plus ou moins du bas de gamme quand même. Ouais. Ah, il est honnête. Franchement, je m'en bats les couilles, j'y vais. Un trou, c'est un trou, tu vois. Enfin. Après, pour faire des. Pour coucher des jumelles, ouais, moi je baisse mon. Ah oui. Ouais, je peux mais non, honnêtement, non, c'est, j'ai pas assumé longtemps. Hein, parce que, ouais, c'est un truc, tu dis, c'est mort, ça t'arrivera jamais. Et finalement, quand ça t'arrive, et ben en fait t'es tellement excité que ben en fait elle te demande si t'as vraiment fini, quoi, tu vois. Ouais, on est en demande après aussi. Deux filles moyennes, c'est vrai qu'ils voient une fille belle, quoi. Merci. C'est quoi cette phrase de ça, quoi? Regarde-moi, j'ai pécho 10 meufs ton nom. Non, mais ça va, c'est ou quoi? C'est pas j'ai de la viande. J'aime le standard qui parle de ça, on dirait des. C'est deux jumelles, c'est lui qui l'a dit. J'ai un stagiaire, c'est le cimetière de foutre. Arrêtez les mecs. Arrêtez un peu. Ça sert à quoi de faire ça? J'ai un stagiaire, sa perte de cheveux est due à mon frottage de couilles sur son front, signé Pépé. Dans les gars, arrêtez. Pépé? Salut Pépé. Il envoie des messages régulièrement, Pépé. Salut Pépé. J'ai un stagiaire, il a baisé monsieur. Non les gars, il a baisé personne. Non, mais ça veut rien dire là. Au betteravier de Cani dans le 14, on vous écoute. Salut Rico. Chez un stagiaire, il pue le sperme. Oui, ouais, ouais. Stagiaire, il met un Samsung dans sa poche pour s'exploser le cul. Arrête. Tu penses ce qui se passe dans ma tête? Parfois. Attends, j'ai un truc. Hier, on a donné un truc pour savoir le pourcentage et la température de la batterie des Android. J'ai pareil pour les iPhones. Ah, ça y est. C'est une application gratuite. Ah, ça s'appelle comment? C'est énorme. Non, mais je vous le dis, on va rigoler, ça se télécharge en 30 secondes et ça vous dit la durée de vie de votre batterie. À combien elle en est? Moi je suis moyen, 13% d'usure de la batterie. Ah, ça va. Tu peux savoir. Et prenez-la, c'est gratuit, ça prend 30, elle est hyper légère. Comment ça s'appelle? La batterie s'appelle Battery avec un Y, B-A-T-T-E-R-Y, Life. Battery Life. D'accord. Ah ouais. Et c'est vraiment gratos, ça prend 2 secondes. Et dites-moi le pourcentage. Tiens l'équipe, vous pouvez le faire. Ouais, Battery Life. Vous allez me dire le pourcentage de batterie d'usure. J'ai peur, moi. Vous pouvez le faire si vous avez des iPhones et tout. Battery Life. Je crois que ça marche aussi sur certains Android, ceux qui ont les applications. Il n'y a plus de respect. Parlez bien des fiches, je m'en ai un. Salut Pauline de Nîmes. Salut Pauline. J'ai un stagiaire bave devant des juments. Non. Il est possible de passer à Ritza. Bah ouais, ce que vous voulez, les mecs. Avec plaisir. Tu as trouvé James Sandar? Bah, le premier résultat qui est sorti, c'est Battery Saver. C'est et pas bah, ça. T'as tapé Battery Life et tu auras Battery Life. C'est ce que j'ai fait. Non, mais c'est ça. Ouais. Battery Life, Saver, c'est la même chose. Ah, je sais pas. Bah, non, c'est l'application verte. Ouais, c'est vert, oui, exactement. C'est ça. James Sandar a trouvé plus vite que James Sandar. Ah, bah, je l'ai, Guillaume. 100% d'usure pour la news de James Sandar. N'importe quoi. Son coloc lui a fait louper un plan cul à Kevin. Est-ce que pareil, ça vous est arrivé? Guillaume et votre texto, là, au 612, venez nous raconter en deux minutes, les mecs. Guillaume, un espace et votre message. Venez apporter votre couille à l'édifice. Est-ce que vous étiez sur le point d'avoir une relation sexuelle et il y a une copine qui vous a fait rater un plan? Vous avez rencontré une star en boîte, y a, par exemple. Ah, c'est bien ça. Et vous auriez pu coucher avec, il y a votre copine qui arrivait qui a dit on rentre maintenant. Ah, c'est nul. Est-ce que vous avez déjà eu un plan cul raté à cause de quelqu'un? Flo des cadeaux, tiens. Ouais. Bah moi c'était en soirée en fait, j'ai réussi à choper une meuf. Sauf que la soirée je la passais avec tous mes potes. Donc on s'est mis dans une pièce à part et on s'est enfermé. Quel genre de meuf tu pécho? Ouais. Non c'est pas méchant, c'est une vraie question. Quel genre de meuf t'aimes bien pécho? Et genre t'es un peu comme JM du standard, tu vas vraiment Non j'aime bien les, en général c'est les brunes moi. Les brunes ouais, ouais je préfère. Mais celles qui dansent sur la piste, celles qui sont assises, celles les timides, c'est dur hein, celles qui sont assises. Celles qui sont un peu timides ouais, ouais. Tu sais les jolies filles timides mais qui se mettent un peu sur le côté. Le mannequin timide ouais. Les Miss Monde timides. Non mais il y en a plein des jolies filles qui sont un peu réservées. Ouais c'est bien ouais. Et alors et donc on s'était mis dans une pièce à l'écart. Et il y a tous mes potes évidemment qui savaient qu'on était en train de faire des trucs, qui sont mis à frapper à la porte. Et ouais. Donc pendant 20 minutes, ils tapaient tous à la porte. C'est donc au final, elle juste en a pour eu. Faire chier, quoi. Voilà, ouais. Elle en a eu marre, elle s'est cassée. Ouais. J'aime juste en un, c'est arrivé de faire comme ça, d'être en train de faire sucer comme Kevin. Ah oui, de ouf, ouais. Ça m'est arrivé en Suède. On était avec 4 potes. Tout ça pour dire qu'il avait fait sucer. Non, même pas ça. Je suis parti en Suède et j'ai pêché une fille marocaine. Je te jure que c'est vrai. Ah, ouais. Ah oui, t'avais raconté. Ouais, c'était ouais. Un contraste. Ouais. Et en fait, j'étais en train de me faire sucer, mes potes, ils ont ouvert la porte de la chambre au même moment. Voilà. Ce qui est bien avec James Zonda, c'est lui qui a raconté la même histoire 150 fois. On peut la finir avant lui. On peut la finir avant lui. Exactement. Allez, on suit notre équipe, c'est Jules. J'avais pas les côtés, on se fait beaucoup maintenant. Juste après, on va se réécouter le jeu qui a tout défoncé hier, le jeu des foires. On se fera le nouveau jeu aussi, le jeu du médecin du village sur Énergie après ça. Ferme tout ce qu'ils disent, le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Depuis les Champs-Élysées, 700 chevaux, pile poil, je crois quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, puis passe par ici. C'est plus Denis, mais Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimes à l'épuissance. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ouais, ouais, ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir, à croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout battait, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le même one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, doudou, doudou, les gens. Aussi, j'ai vu, on est 581 000, ça y est. Guillaume Merci. Play, PLEY, on se retrouve dessus. Et juste après, on écoute le jeu, on s'est fait passer pour des forains. On a appelé des hôtels hier en faisant croire qu'on arrivait sur le parking et qu'on s'était fait virer d'une fête à côté, qu'on voulait arriver en masse. Et on a essayé de leur faire peur, on les réécoute juste après ça. Ok. Vous connaissez tous les nommés. Ils ont maintenant besoin de vos votes. Hey, it's 21 Pilots on Energy. This is Lady Gaga. C'est David Guetta. Hi, this is Coldplay. C'est Maître Gims. This is Charlie Puth. C'est Louen. Now, votez pour les Energy. Energy Music Awards. Ça va être un truc de dingue. Votez maintenant sur Energy.fr. Oui, pour moi. Non, non, non. Pour nous. Le Crédit Mutuel donne le la au Energy Music Awards 2016, le 12 novembre. En direct de Cannes sur TF1 et Energy. Hit Music Only. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat. Va mon héros, va chez Leclerc. Forfait mobile, 2 euros de free. C'est 2 heures d'appel. Les SMS et MMS illimités. 50 mégaoctets d'internet en 4G. Le tout sans engagement. Et même 0 euros par mois si vous êtes abonné Freebox. Difficile de faire moins cher. Merci Free. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Kit main libre recommandé, alors mets-le. Assume ton kit main libre. Amour, gloire, beauté, des mots qui font fantasmer, hein? Destin, au 7-20-12. Arrête de rêver et découvre tout de suite ce que l'avenir te réserve. Envoie Destin, D-E-S-T-I-N, au 7-20-12 et nos experts te révéleront si tu rencontreras l'amour. Destin, au 7-20-12, si tes projets se concrétiseront. Destin, au 7-20-12, si tes doutes étaient fondés. Envoie Destin, au 7-20-12 et tu sauras tout. Destin, au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS, iEnergy. Gagnez des consoles PS4 pour la sortie du film Warcraft, le commencement, en Blu-ray, avec Énergie. Que venez-vous faire ? Sauver notre peuple. Écoutez Koé de 19h à 22h sur Énergie et gagnez des consoles PS4. Pour les orques, mon ami, c'est la guerre. Warcraft, le commencement, disponible en Blu-ray, avec Énergie. It's music only. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger, à vous d'imaginer votre box all inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros. Une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016. Règlement sur le site. All Inclusive égale tout compris. Quand 2 heures valent plus qu'une journée entière. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, sur Énergie, on fait le nouveau jeu du médecin de village. Mais juste avant, hier, on a fait un nouveau jeu. On s'est fait passer pour des forains. C'est une idée d'un forain qui nous a dit ça. En plus, l'autre jour, il a dit: vous avez jamais réussi à imiter l'accent et tout ça. Ah, c'est vrai. Du coup, on a regardé le film Snatch où il y a Brad Pitt et toi qui fais l'accent. Après, le truc, c'est que. Attends, que... Attends, je l'ai plus. C'est dur à voir. Cousin ! Cousin ! Ouais ! Tu sais, avec ça, il n'y a personne, viens ! Eh ben, on va écouter ce bon jeu qui est déballé hier. Ah non, c'est que je suis avec ça, il n'y a pas de bien là. Que si j'avais cassé, si je branchais, il n'y avait pas. Mais il y a rien de cassé, je te dis, on va tous brancher le compteur électrique, mais ça va bien l'année. Eh ben, il y a beaucoup de cousins ! Qu'est-ce qui se passe là ? Tu m'as appelé ou pas ? Alors là, putain, allez. Et on va la réécouter, le fou rire d'hier, écoutez ça. On appelait des hôtels, on faisait croire qu'on arrivait du coup avec toute la fête foraine sur le parking. On disait on arrive dans 10 minutes et tout, faut nous préparer de la place. Écoutez ce fou rire hier soir. Contact Hôtel Victor Hugo, bonsoir. Ouais, vous m'entendez, madame ? Allô ? Oui, allô ? Ouais, madame, c'est que je l'appelle, parce que en fait, j'aimerais bien venir à l'hôtel, s'il vous plaît, c'est ce que j'ai avec ma famille là. Et on aimerait venir à l'hôtel parce qu'on va mettre les manèges juste à côté de chez vous. On aimerait venir avec les caravanes et poser sur le parking. C'est possible de réserver juste ce parking pour l'hôtel ? On n'a pas de parking. Bah, au pire, je mets devant, hein, ça va être cool, on met les plots rouges. Désolé, ça va pas être possible. C'est vous la patronne hein ? Non, c'est pas moi. Parce que je suis avec moi, mon cousin, Ouzi Bang. Eh, hey, viens là, Ouzi Bang. Dis-lui, Ouzi Bang, on a envie d'être garé là. Bonjour madame, on va arriver avec le copain et puis on va mettre toute la caravane dans le parking. Puis s'il n'y a pas de problème dans le parking, on mettra dans l'accueil devant vous, là, ça fera un petit spectacle. C'est possible ? Non, je suis désolée, c'est pas possible. Non, parce que j'ai avec Francis Mercury, c'est mon cousin, fan de Francis Lalanne, Freddy Mercury. Viens là, Francis Mercury. Ouais, qu'est-ce qui se passe là ? Mais apparemment, on peut pas poser. C'est quoi, c'est tout ? Quoi, bah on s'approche, on peut pas. S'en fout, hein, manière forte. Madame, parce qu'on aimerait juste poser. En fait, on s'est fait virer d'où on est parce qu'on est branché sur l'hôpital d'à côté, ça a coupé le courant et le service réanimation. Et on aimerait venir pendant une semaine, c'est possible ou pas ? Ah, il a raccroché, putain ! Allez, on en rappelle la deuxième. Oui. Allô, Rouskina ? Allô ? Oui, Moussa, je suis à l'hôtel ? Oui. Oui, Moussa, est-ce que moi je dois rechercher ? Est-ce que je vous appelle ? Parce qu'en fait, les forêts, on aimerait venir à l'hôtel, c'est possible la semaine prochaine. Parce que genre, je suis par la base. Et en fait, je vais avec mes cousins, tout ça. Je fais que. Avec des verflash, mon cousin. Viens là, avec des verflash ! Ouais ! C'est mon cousin ! Non, non, putain ! Putain, ils sont durs, les mecs. Attends, c'est pas grave. Je vous en rappelle d'autres. Mercure, Alençon, Franck, bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir. Ah, je suis à l'hôtel ? Hôtel Mercure, Franck, bonsoir. Ouais, bonsoir, c'est Barak, là. Je travaille à la fête foraine de Palavas. Et en fait, on vient à Alençon la semaine prochaine. Oui. Avec mon cousin, la puce Liqueur. Viens, la puce Liqueur. Viens, la puce Liqueur. Ouais, tu l'as ? Ouais. Et en fait, on aimerait venir. C'est possible de réserver des places de parking ? Vous avez parking ? Ouais, vous avez pas besoin. Non. Parce qu'il y a dans la de chambre, parce qu'il y a un caravane, donc si vous avez juste un parking, ça revient avec vous, accueil ou quoi. Vous avez des gros engins à mettre sur le parking? Bah, d'ailleurs que ça fait virer parce qu'on a fait un barbecue géant à côté de station essence, ça a pris feu, ça, donc ils ont piré dans l'ensemble, donc on barre là. On a mis du produit vaisselle dans la fontaine municipale pour la mettre dans un assiette en plastique, enfin notre vaisselle, et ça l'a fait déborder. Alors, cousin! Hey cousin! Hey il s'appelle mon cousin, c'est Will Sim, c'est fan de Will Smith, c'est Sim. Ouais. Voilà, Will Sim! Ouais, j'aime bien les deux, moi. Dis-lui qu'on a besoin de place. On a besoin de place parce qu'on arrive avec tous les balais, et puis voilà un peu de place, et puis on va peut-être tirer un câble aussi pour les cuisiner, peut-être un peu de place. Attends, j'ai demandé à Black Fouras, mon autre cousin, Black Fouras, fan de Black M et de Père Fouras. Ouais, qu'est-ce qu'il passe? Il va à l'hôtel pour voir les feuilles de Wissi dans le minibar. Il soif. Et ça saute le whisky. Ah non, Zan. C'est possible ou quoi? 2 heures qu'on attend là, bordel. Tu as écrit Raled Goff, la fan de Raled, Jean-Pierre Goff. Excuse-moi, monsieur, j'ai une crise d'habileté. J'ai une crise d'asthme. C'est bon, monsieur. Parce que je suis propriétaire de l'Horror Coaster Extreme, là, le manège, et avec tous mes cousins, en fait, on a croisé les pneus de tous les clients parce que pour qu'il reste plus longtemps la fête foraine, tant que des pneus arrivent, mais on s'est fait virer dans l'ensemble du coup. Vous voulez venir quand? Alors, ça serait pour venir la semaine prochaine, mardi soir. Mardi soir? Ouais, c'est avec mardi soir, et puis il y a Renaud là, qui s'occupe du stand de vin chaud, là, à boucher, là. Vous connaissez le chanteur Renaud, et le problème, c'est qu'il boit tout. Il y a Jean-Luc Lahaye qui a monté un stand de pêche au canard pour les enfants, mais avec des godemis, j'ai gagné. Et bien, vous venez mardi soir, il y aura encore de la place. C'est pas la peine de réserver. C'est le père Fouras qui tient le stand de barbe à papa, il met du sucre et il demande au petit sucre. La barbe. Non ah ouais. Les beaux yeux. Ah, dédicace. Et bravo à tous les. Putain, merci. Allô ? Prêt hôtel à quoi va ? Bonsoir, madame, excusez-moi de vous l'arranger parce que je suis à l'hôtel. À quoi va ? Oui, c'est ça. Ah quoi, bah, ce serait possible de réserver une chambre d'hôtel ou ce serait pas la semaine prochaine? Non, on est complet la semaine prochaine. Mais je sais pas encore des jours parce que en fait on part de là parce que je suis à la ville de en dessous de Bordeaux à Arcachon. On a fait de foraine et du coup on s'est fait virer de la municipalité, donc on allait venir sur le parking de l'hôtel juste réserver les places de l'hôtel. Ils ont pas tous une voiture les clients. Bah c'est possible ou quoi? On a raccroché, putain. Oh non, pourquoi? Attends, on en rappelle un autre. Oui. Ouais. Hôtel Agora, restaurant l'Estrade, Béatrice, bonsoir. Comment ça va les chats? Alors, c'est possible de réserver une chambre ou quoi? Allô? Oui, bonsoir. Tu m'entends ce coup? C'est possible de réserver une chambre ou quoi? Confiance. Est-ce que j'ai la semaine prochaine avec ma famille là? Allô? Oui, je vous écoute. Parce que, en fait, on tient la fête foraine justement d'Armentière, et j'aimerais bien qu'on vienne la semaine prochaine pour aller sur le parking quand il y a la fête foraine au Hôtel Agora. Vous voulez venir à l'hôtel Agora? J'aimerais juste réserver une place de parking parce que j'ai la caravane, je suis avec mon cousin là. Attends, j'ai pris mon cousin, Moving on the Beach! Ouais! Viens là! Ouais! Ah, c'est pour être triple Moving on the Beach, hein. Il s'appelle Usain, enfin Usain Bolt et Salam Usain. Ah! Attends, c'est pas vrai quoi! Ouais. Attends, on en rappelle encore! Ah oui, j'ai notre numéro Guillaume. Hôtel Mercure, Angers Centre, Nicolas. Mais bon, c'est quoi? Parce que vas-y là, les chats, je suis à l'hôtel! Hein? Ah, je pose une question, tu réponds, c'est chouette ou pas là? Oui, vous êtes à l'hôtel. Tête de mort, hein? Enfin, j'ai fait un bug d'alof, ils ont fait peur aux enfants, ils ont été, j'ai embauché, contre un intérimaire. Non, c'est pas, c'est pas fini, hein, déjà le soir, connard. T'es raccroché, tout ça, t'es un bâtard. Voilà, je savais, un bâtard. Allô? Hôtel Fèche, bonsoir. Ah, il me sent, c'est ça, mais je suis à l'hôtel, parce que ça. Monsieur, est-ce qu'il va vous déranger? Est-ce qu'en fait j'ai un manège fait de foraine là? Et en fait je serai la semaine prochaine à Ajaccio, et donc c'est possible de réserver ce parking? Non, il y a un raccroché. Ah. Attends, allez, un dernier. On espère que ça va marcher. Non, je vais faire le grand 8. Dès que ça répond, c'est le bruit du grand 8. Hôtel du Palais de Lille, bonsoir. Vous m'entendez, madame? Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir, madame. C'est possible de réserver une chambre d'hôtel ou juste le parking? Parce que j'ai avec la caravane, là, je suis forêt, je suis à la Vassiflo, là, je suis en train de gérer la fête foraine. Et j'ai voulu venir la semaine prochaine, c'est possible de réserver une chambre? Parce que je suis avec mon cousin, dis-lui bonjour cousin. Ouais, bonjour cousin, c'est madame. Bonjour, non, je dis bonjour cousin, c'est dire, tu dis bonjour à la femme. Ah pardon, désolé, bonjour madame, on arrive sur le parking, c'est possible, avec les copains, on voudrait... Non. C'est pas possible, putain. On en refait une, on en refait une dernière. Attends, j'ai pas ma dose. Vouloir patienter. Merci. Hôtel du Mail, Thomas, bonjour. Allô? Oui, allô? Madame Sassieux, ce serait possible de réserver une chambre d'hôtel, s'il vous plaît, ou le parking? Parce que j'arrive la semaine prochaine avec la fête foraine, j'aurais voulu réserver une chambre. Il y en a. Hein? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Ce serait possible de réserver? Parce que je suis avec mon cousin là, et dis-lui cousin. Oui, bonjour monsieur, salut tête de main. On voudrait venir avec le cousin sur le parking, c'est possible pour brancher l'électricité, l'eau, tout ça? Non, il répond pas. Dis-lui quelle activité on a, tout ça? Oui, on a plein de manèges, on a les manèges où on te fait les grands 8, on a des manèges où il y a les autres tamponneuses, on fait les barbes à papa aussi, elles sont pas chères à 4 euros la barbe à papa, tu veux le barbe à papa? Je pleure de rire, je vois plus la route. Ah merci mon Nico. Bonne route quand même. Tellement de joie dans mon taf de 4h à midi podcast à la chérie, merci beaucoup. Mordor a plus l'accent de russe qui a forcé sa vodka que d'un gitan Xavier le routier. Ah là les gars, vous faites mourir de rire, ce jeu des gitans est énorme. Alençon c'est ma ville les gars, énorme, trop drôle là, merci Eric. Merci. T'es plus de ch'ti que gitan, mort de rire. Merci les frérots de penser à nous les gitans, salut les gars. Salut. Merci, qu'est-ce que vous avez pensé, nouveau jeu? Non mais ça c'est important, franchement c'est important. Message d'hier, hein, du coup c'est trop bien le jeu de hier, ça trop rigolade, merci à toi. Merci. Trop de rigolade, salut, j'adore les sushis et les boîtes, le cul du stagiaire. Arrête, ça va pas ou quoi? C'est les chouchous de Clichy, dédicace. Hein. Je viens de découvrir avec leur étonne de que je pourrais plus parler du Lipton High String. Salut le Forbes 2.0. Salut le Forbes. C'est énorme en mode gitan, les gars, ça déchire, je suis mort dans la surgrave. Salut Xavier, dédicace à Patrick de la tournée des Jardins et des Hommes, gros bisous à vous Nico de Tours et bisous à vous. Faut vidanger, j'ai un stagiaire et les yeux blancs. Dédicace pour Patrick, bonsoir, bande de fous, cri du 43. Message pour Julien Stagiaire, je suis étudiant en droit au travail, je peux t'aider, mort de rire, à ne pas rester stagiaire toute ta vie, je suis pété de rire. Merci. Ah non, c'est vrai que tu aimes te faire enculer, mort de rire. Ah bah alors là, carrément pas. Les gars, vous êtes violent ce soir. Au début, il est gentil, après il m'agresse par derrière. Mais je crois que c'était pas un vrai. Ah bah oui, c'est le jeu du médecin de village, on le fait après là. Ça va Jordan Apprenti, ça fait longtemps là qu'on t'a pas ça eu. Ça va toi, ouais. Jordan Apprenti, ouais. Il ressemble à Narcos maintenant. Ouais, il ressemble. Et pourquoi tu laisses pas pousser ta moustache? Je peux le faire pour la blague, je pense. Bah, tu peux le faire. Voilà. Pour mercredi prochain, ça serait marrant. Allez, tu te laisses pousser la moustache. Une vraie grosse barre. Ah ouais, vas-y. Non mais c'est vrai, franchement, ouais, je trouve ça énorme. On fait une parodie. Attends, il faudrait qu'on mette. Tu sais quoi, tu laisses pousser la moustache et mercredi prochain, on mettra une photo de Narcos et toi sur la page Facebook. C'est hallucinant. Pour mon routier Panda, Pacha Courage, vous êtes les meilleurs. Salut, merci, gros bisous, c'est gentil. Hein. Bon, ça va, Jordan Apprenti? Ça va et toi? Ouais, tu nous présentes un objet chaque semaine, hein, tous les mercredis. Ouais. Et la première fois, il arrive avec des trucs, il y avait des motos à une roue. Mmh. Il y a eu plein de trucs, hein, ouais, marrant quand même. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de bon alors là? Là, de bon. Tu m'as envoyé un message, tu m'as dit, ouais, faut la faire, j'ai toi. Vraiment un truc ouais, énorme, etc. Celle-là, fallait la faire. C'est vrai, en fait... le mec se la raconte un peu. Je me sens bien. Celle-là, je veux dire, personne l'aurait fait à part moi. Si c'est pourri, je suis dans la merde. Mais non, c'est un téléphone, ouais. Un smartphone, donc ouais. C'est basique. Mais c'est le smartphone le plus cher du monde c'est actuellement vrai en vente. Ouais. Ah, il est pas en or pourtant. Alors moi j'aurais pensé que c'est un truc de Qatarite, c'est un truc en or et tout. Il y a pas de diamant. Il coûte déjà 20 000 euros. Ouais, très bien. Donc, et mais qu'est-ce qu'il a de spécial alors? C'est quoi comme marque? Alors c'est une marque pas connue, enfin pas hyper connue tout le monde. Ça s'appelle Vertu. Vertu. Voilà. Ouais, très bien. Parle bien près du micro. Pardon, excuse-moi. J'ai oublié comment. En deux semaines le mec. Non, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, t'as pas fait de chronique. Ouais, non, depuis, ouais, non, depuis juin. Ah, ouais, je crois. Ouais. Ah, bah, heureusement que t'es revenu avec un truc. Attends, c'est et là, les mecs, ils te le prêtent, là, du coup. Ouais. Ah, c'est chaud. Il faut le rendre très vite. Faut que tu rentres quand? Demain matin, il y a un coursier qui vient le chercher. C'est vrai. Ah, ouais, putain. J'ai dit, je peux le garder, elle m'a dit bien évidemment que. Bah, non. Ça te stresse un peu de l'avoir. Ouais, je marchais avec dans la rue, j'étais pas bien. Ah, moi, ça me stresse. 20 000 euros. Mais t'aurais même pas dû le dire à la radio. Ah, c'est vraiment. Je vais le suivre. Kim Kardashian. Ah, ouais, c'est assez clair. Kim K, quoi. On va te ligoter comme Kim K. Jordan et Kim K. C'est chaud, ouais. Non, mais alors, tu sais quoi, on va t'appeler un coursier direct là pour que tu rentres. C'est gentil, ouais. Non, mais en plus, il y a un coffre-fort à énergie. On va le laisser dans le coffre, oh bah et, puis, oui, et puis comme ça demain tu viendras le chercher avec le coursier, quoi. J'espère bien. Il y a des mecs de sécu, alors tu m'en as mis de sécu. Ouais, je vais, toi. Dire, ouais. Je vais lui dire de me suivre. Alors vas-y, raconte alors. Et donc en fait dans le téléphone t'as plein de trucs, mais vraiment des disproportionnés qui existent que pour mais les attends, personnes. Attends, mais ça existe vraiment ce ouais, truc-là. J'ai, beau, j'ai été dans leur boutique et c'est un autre monde, c'est assez impressionnant vraiment. C'est vraiment un portable de gens qui ont de l'argent, quoi. Bah, pour t'expliquer en fait sur l'appli, je sais pas si vous connaissez le concept de Groupon, tu sais, le site qui propose des réductions. Un resto, tu payes deux fois moins cher au spa ou chez un coiffeur. Là, il y a pareil, mais pour les gens qui ont beaucoup plus d'argent. Par exemple, tu peux acheter. Il y a un deal, un truc genre une bonne affaire. Tu peux faire un cours de golf avec Tiger Woods, qui est un champion de golf connu. Ouais. Et tu payes 150 000 euros pour deux personnes. Mais non, c'est pas vrai. Et tu peux l'acheter directement sur le téléphone. C'est vrai. Et soi-disant, c'est moins cher. Hein, c'est et c'est moins cher. C'est le Groupon de riche. Exactement, c'est le Groupon de riche. Et il y a pas longtemps, tu pouvais faire un repas à la Maison Blanche. C'est énorme. Avec Barack Obama. C'est vrai. Et combien c'était? Elle m'a pas dit le prix. Il est plus disponible. Ah, c'est les grosses options qu'ils vendent. C'est ça. En fait, c'est ouais. Voilà, je pense qu'ils ont fait ça pour une assos Barack Obama, et après ils reversent l'argent à une assos et tout. Ouais. Et elle m'a dit, tu peux rencontrer des hommes politiques grâce à l'appli, t'as des trucs de fou. C'est très cher. Tu peux réserver un jet privé, tu fais ce que tu veux. Et le truc de fou, c'est que dedans, t'as une conciergerie, ce qu'ils appellent la conciergerie. Ouais. C'est un gars qui est là, qui te connaît. Donc moi, elle m'a donné le téléphone, donc le mec m'a appelé, il m'a demandé des infos, si j'étais marié, si j'avais une femme, qu'est-ce que j'aimais. Ouais. Et la personne sait tout de moi. Et là, si je veux, je peux l'appeler. On peut l'appeler en direct, si tu veux. Ouais, et qu'est-ce qu'il propose? Je peux lui demander ce que je veux. Si je veux qu'elle aille me chercher un McDo et qu'elle me le ramène, elle le fait. C'est vrai. Si je veux réserver un jet privé demain. Et c'est qui paye? C'est la société qui te l'a prêté? Alors, toi, tu payes. On va le faire. On va aux États-Unis en jet privé. Après, on va aller en Chine. On va aller faire le tour du monde. Et après, on revient à la facture. Ah, c'est bien. Ah ouais. Les mecs, ils donnent tout, quoi. En fait, parfois, ils ont des deals. Par exemple, pour être jet privé, ils vont avoir des contacts dans des boîtes de jet privé. Tu vas payer moins cher. Ouais, c'est une sorte d'arrangement. C'est et c'est quoi? C'est une application? Non, c'est une appli dans le téléphone, en fait. C'est une appli dans le téléphone. Tu peux l'avoir. C'est dingue, ça. Et tu peux pas l'avoir si t'as pas le téléphone. Non. Non, c'est un truc propre au téléphone. Ça coûte 20 000 boules. Ah, putain, je suis sur le site, là. C'est vrai que c'est encore, chiant. Ouais, voilà, t'en as encore des plus chers personnalisables. Alligator, en alligator. Voilà, celui-là, c'est ça. Il est en alligator. C'est vrai? Attends, passe-le-moi deux secondes. Fais-le pas tomber, s'il te plaît. Putain, t'imagines, tu fais péter les gros. J'ai laissé la carte bleue et la carte d'identité. J'ai mis son Ouais. Attends, ah mais il est lourd. Ah il est lourd. Parce qu'en fait, pour t'expliquer aussi, c'est un seul mec qui les assemble tous à la main. Ah oui, d'accord. Ouais. En Angleterre. Et il les signe tous. Putain, c'est dingue. Il y a la signature. C'est du vrai alligator. En fait, ouais, c'est. Ça sent pas l'alligator. C'est du croco, quoi. Non, c'est du vrai, par contre. Ça a pas l'odeur d'alligator. Flo des cadeaux. T'as vu les sonneries? Elles sont interprétées par l'orchestre symphonique de Londres. Attends, mais il faut que tu peux le faire écouter ou pas? Avec plaisir. Mais il est éteint, le portable. Non, il est allumé. En fait, appuie pas sur le bouton rouge, surtout pas. Je viens d'appuyer. Eh merde. Non, c'est pour appeler la conciergerie, en fait. Ah, c'est vrai. On les appelle. Après, si on peut les appeler. Attends, c'est énorme, ça. Life et tout. Ah ouais, voilà. C'est l'intérieur. Ah ouais, c'est ça, conciergerie et tout. Life, en fait, c'est le gros monde, comme je te disais. C'est ouf, c'est fou, c'est hallucinant. Et en fait, à l'intérieur, donc t'as marqué coffre-fort, concierge, life. Non, mais c'est quoi ces trucs? Et tu appelles le concierge. Tu sais qu'il y a une application à 1000 euros, je crois, la plus chère du monde. Non. Ouais, c'est pareil, c'est une sorte de conciergerie pour les gens qui ont beaucoup d'argent et tout ça. Mais est-ce que ça marche vraiment, quoi? C'est chaud. Attends, ah ouais, en fait, ça détecte le mouvement et la planète bouge derrière. Et c'est les vrais endroits où il fait jour et il fait nuit sur la planète. Mais non. Si, je te jure, c'est un truc de fou. Ah ouais, mais attends, mais pourquoi ils en font pas plus des téléphones? Oh là là, c'est abusé. Non mais c'est oh là là. Et il fait de belles photos? Ah, il fait des photos en 4K, 21 mégapixels, la caméra, je sais pas si ça parle. Ouais. Ouais. 21 mégapixels. Ouais, 21 tu peux aller sur l'appareil, c'est ouf. Et même le son est fou, si tu veux mettre la musique. Ou quoi. Et je vous mettrai la vidéo sur YouTube, le mec, vous allez voir et tout. Ouais, on pourrait peut-être faire une vidéo avec et se filmer et la mettre sur internet pour voir. Et t'as des... c'est quoi? C'est Apple Store sinon? C'est en mode non, Apple? Non, c'est Android, par contre. Non, il est marqué Apple Store en gros dessus. Oui, enfin, tu peux. Bah, t'as même Apple Store, non? Ah non? Ah non, Google Store, Play Store, pardon. Play Store, ouais, c'est Android. Et tu peux synchroniser tes contacts iPhone, tout ça. C'est impressionnant. La Terre, en fait. Non, franchement, c'est. Et les jeux et tout, ils sont bien? Bah, c'est les jeux, c'est les jeux normaux, quoi. Ouais, voilà. Et par contre, truc cool, tu peux sécuriser tes appels, tu peux les crypter. Il y a une fonction pour crypter les appels. Mais ça, c'est parce qu'on les hommes politiques ou ça, comme ça. Ah ouais. Elle m'a dit, elle m'a pas donné de nom, mais elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de sportifs, de personnalités, d'hommes politiques qui avaient le téléphone. C'est hallucinant. Et la batterie tient bien, ouais. Ça, batterie, on a le portable le plus cher du monde, hein, dans la main là. Elle peut tenir jusqu'à 2 jours la batterie. C'est vrai. Ouais. Ouais, un peu 2 jours de plus que l'iPhone, quoi. En fait. C'est ça. C'est impressionnant. Hein. Play jeu et tout. Bon, voilà, il y a plein de trucs à l'intérieur. Et alors, tu voulais faire écouter les sonneries. Ouais. Et souvent, on peut appeler la concierge. Ouais, ouais. Vas-y. Alors, on va commencer déjà. Vas-y. Bon. Alors, fais-nous écouter la sonnerie, s'il te plaît. Déjà. Une sonnerie. Je redonne l'apprenti. Apparemment, ça a été interprété par l'orchestre. Qu'est-ce qu'il y a, Flo Gallo? Qu'est-ce que tu lis dans les paramètres? Non, mais je suis sur le site. Il y a les pochettes qui sont à 500 €. Les écouteurs, ils sont à 200 €. 200 € l'écouteur. Ouais, hein. Les plus chers, ils sont à 30 000 €. Ouais. Putain, la vache, c'est énorme en tout cas. Ah ouais, c'est beau, ouais. Et donc, vas-y, alors, fais-nous écouter cette petite. Ouais. Tu t'es habitué un petit peu le téléphone là? Franchement, c'est assez compliqué au début. Il a l'air perdu. Tu l'as là. Eu quand ce téléphone? J'ai été les voir ce matin. Ah oui, d'accord, tu l'as eu la journée, ok. Voilà, je peux te faire écouter cette petite musique à l'instant. Vas-y. Attends, vois la sonnerie, est-ce qu'elle est vraiment si bonne que ça, quoi? Ouais, c'est la musique classique, ouais, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais le son est très bon. À 20 000 boules, il manquerait plus que ça. T'imagines? Putain, un portable à 20 000 euros, quoi, je veux dire. C'est le prix d'une voiture, plus cher qu'une manière. Plus cher qu'une voiture, ouais. C'est dingue, hein. Ouais. Oh, c'est impressionnant. 20 000 euros. Et ça, c'est des portables qui sont tous les ans, il y a des nouveaux ou c'est des portables qui changent tous les, je sais pas combien, là? En fait, ils ont plein de séries, elle m'a montré, il y a des séries spéciales et ils ont un accord avec Bentley, voilà, petite marque de voiture. Ouais. Et tous les ans, ils en ressortent un nouveau pour Bentley et ils continuent quand même de produire cela. Ouais, ça avance tout seul quand même. Parce que là, c'est quand même assez actuel vu la qualité des graphismes et tout. Et les photos et tout, mais en mode appareil photo pour voir. Alors. Je vais filmer, je vous dirai là. Ne donnez pas le télé au stagiaire, il est capable de se lever dans le cul. Non, ça va. Au passé, WebBrain se faire piquer. Les services de conciergerie, je l'ai avec ma carte bancaire aussi là. Faut être vraiment bâtard pour acheter un téléphone en alligator. Riche à la con, respect des animaux. Moi, je te défonce si je te vois avec parole de Tom le Viking. Voilà, merci de lire, Guillaume, c'est notre émission. Tu le dis, bah voilà, tu y es fait, tu vois. Je t'ai bouché avec quoi, j'ai dit. Hein. Attends, comment on fait pour mettre en mode sur soi-même là? Ah oui, là. Est-ce que, alors, toi, tu trouves que l'appareil photo, il est. Eh ben je trouve qu'il rend pas beau l'appareil photo. C'est vrai ? Ouais. Celui de derrière, je trouve ça plus impressionnant. Bah je trouve qu'il est pas. Ah ouais, putain, par rapport à un autre téléphone, je trouve qu'il est pas beau. Ah ouais, celui de face là. Ouais, 20. Ouais, elle est puissante la caméra. Ah ouais, 4K, ouais. Non, c'est vrai. Non, la vidéo, je vais vous dire un truc, je filme là et je vous la mettrai. Je vous la mettrai comme ça en direct hein, pour vous montrer sur la vidéo YouTube et tout. Non, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai ? Non, ouais. Franchement, c'est pas mal et tout, ça fait une jolie petite vidéo. On va le garder. Voilà, on verra si ça marche et tout ça. Non, c'est vrai que c'est pas mal. On va le garder hein, du coup. Il y avait rien d'autre à savoir dessus, non? Bah, si tu veux, on peut appeler la concierge, c'est tout. Ouais, non, mais ça, c'est bon. Tu peux l'appeler pour lui demander ce que tu veux. Normal, ouais. Mais on peut demander. Mais c'est qui paye du coup, là, si on commande un truc? Ah, bah, ils ont des deals, donc tu payes beaucoup moins cher. Tu payes, mais beaucoup moins cher. C'est toi qui payes, quoi. C'est qui tu payes? Non, mais c'est la carte de qui est dessus? Ah, bah, c'est la mienne. Ah, oui, j'ai mis mes données. Prends Tiger Woods. Ouais, non, c'est rare. Non, c'est vrai? Non, c'est ton numéro? J'ai tout mis. Oui, c'est mon numéro. Tu peux appeler, tu vas tomber sur mon. Mais si on peut éviter de. Non, on va pas le faire. Attends, tu me connais. Ouais, bah justement, c'est ça qui m'inquiète. Tu nous connais. Hein. Non, qu'est-ce que tu fais? Bienvenue chez Verti Concierge. Ah. Nous vous informons qu'afin d'améliorer. Attends, je mets le haut-parleur. Votre conversation est susceptible d'être enregistrée. Ah, nous aussi. Ah, nous aussi. Votre appel. Vous allez être sur écoute, quoi. Et après, on fait le nouveau jeu, les gars. Attends, on va essayer. Je l'appelle en direct, je vous jure que c'est vrai. Hein. Vraiment. Ouais. C'est en train d'appeler. C'est en Suisse, non? Ou c'est. Alors, je sais pas où ils sont. Ça veut dire à l'époque, ça sonne en Suisse. Ça sonne à l'étranger, j'ai peur. Ouais, des petites sonneries. Ah oui, c'est toi qui peux. Bienvenue à la conciergerie Vertu, c'est Natacha à l'appareil. Comment puis-je vous aider, monsieur Cochino? Bonsoir, madame, excusez-moi. C'est Jordan Cochino à l'appareil. Je vous dérange pas? Oui. Je vous dérange pas? Oui. Alors, j'aimerais. Est-ce que c'est possible de me faire livrer un McDonald's ou pas? Alors, avec McDonald's, malheureusement, ils font pas une livraison. Attendez, on a payé le téléphone 20 000 euros. Je comprends pas. Vous avez un McDonald's, monsieur Cochino. Ah, on peut pas commander un McDo. Un KFC, c'est pareil. À 20 000 boules le GSM, c'est dommage. Ils ne font pas de livraison directe, mais on peut absolument organiser un taxi qui vous emmènera le McDonald's et qui ira le chercher. Ah, un taxi qui fait l'aller-retour pour nous, ouais. C'est combien? Ah ouais, très bien. Et combien ça coûte, ça, le tacos? Ça sera un petit peu plus cher qu'un McDonald's sans taxi. J'imagine. Naturellement. J'imagine. Mais ça dépend. C'est un forfait, c'est quoi? Non, j'en ai un qui est à côté, là, à 2 km, 2 km de chez moi. À 2 km. Je m'excuse, je n'ai pas bien entendu. À 2 km de chez moi environ. Oui, donc je vais devoir. demander à la compagnie de taxi, ils vont pouvoir me dire. Ah, d'accord, très bien. Donc ça serait pour le 22 rue Boileau, un menu Big Mac, ouais, tout simplement, s'il vous plaît. C'était Coca. 22 rue Boileau, 75-016 Paris. Et des serviettes aussi, s'il vous plaît. Merci. 22 rue Boileau. Merci, Jossi. Ça sert à rien. On parlait pour parler. Non, excusez-moi, un menu Big Mac. Un menu Big Mac. À quelle heure? Alors, ça serait dès que possible. 22 rue Boileau. Parce que le McDo ferme à minuit. Donc... Ouais, 75-016 Paris, 22 rue Boileau. Menu Big Mac avec frites et coca, s'il vous plaît. Menu Big Mac, okay. Frites, coca, avec maillot. C'est impossible d'avoir un peu de maillot pour la frite. Hein. C'est un copain qui paye. Voilà, okay. Voilà. Alors, un menu Big Mac, c'est possible, vous pensez? Aussitôt que possible. Aussitôt que possible, voilà. C'est exactement ça. Bah, écoutez, j'attends, vous pouvez laisser à l'accueil de bâtiment. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que je puisse faire pour vous, monsieur? Non, merci beaucoup, madame. Écoutez, ça m'ira très bien. Et puis, vous pensez que ça sera dans combien de temps environ, là, le McDonald's, en bas? Ça dépend aussi. Ça dépend avec la compagnie de taxi. D'accord. Et bien sûr, les embouteillages. Bon, on attend en bas, alors. On attend en bas. Merci, madame. Vous pouvez laisser à l'accueil du bâtiment, vous pouvez merci. Dire. Merci, madame. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Je reprends ma Bentley. Excusez-moi, je suis au volant ma Bentley. Je vous embrasse, madame. Bonne journée à vous, madame. Merci d'avoir appelé la conciergerie Bertie. Merci, journée, madame. Merci de votre aide. Au revoir. Et ben voilà. Ah, merci, Jordan. Merci, Jordan. C'est pour moi, c'est cadeau. En plus, c'est lui qui paye. On verra si c'est vrai. On va filmer en bas avec le portable. Le taxi est arrivé. C'est pour qui, du coup, hein. Ok. Ah bah c'est pour moi. C'est toi qui paye. Non mais je te rembourserai. Ah, évidemment. On s'arrangera. Mais oui. Non mais c'est pour voir si ça marche déjà. Ah, oui, il est rassuré déjà. Ouais. Il a le cul serré. Non mais attends, tu rigoles évidemment. Non, c'est pour moi. Mais c'est juste pour essayer de voir si ça marche, etc. Il est 23h18. On a appelé la conciergerie avec le téléphone le plus cher du monde, qui est une conciergerie intégrée qui nous ont prêté pour la journée. Hein. Ouais. Par contre, c'est très très impressionnant le derrière. Hein. Je tiens à dire vraiment, c'est quand tu bouges, en fait, la planète bouge et tout, c'est assez impressionnant. Et c'est le McDo. À 20 000 boules, heureusement. Ouais, ouais, c'est ça. Si le McDo ça marche pas, on le dira aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est le jeu. It's the game. C'est la poire. Je suis le chasseur. T'es la poire. Ouais, ouais. Ça va être toi. Seul, je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Merci d'avoir lu, tu as l'honneur. Tu pourrais être un frère légionnaire. Et oui, tu m'as bouché un coin. Merci, Tom le Viking. Salut, Tom. Salut. Je devrais voir avec Jordan Apprenti pour que vous voyez mon verre incassable. Salut, Eric. Avec plaisir. Bonsoir. C'est énorme, ça, ce bordel trop fort. En plus, c'est une voix sale. Elle avait l'air pas très sûre dans ses paroles, ouais. La grossière Joris Sly Geek. Ouais, ouais. Mais je pense qu'elle est gênée parce qu'elle a senti que c'était un peu une connerie. Mais ouais, est-ce que c'est vrai? Et au prix du téléphone, les gens qui doivent appeler, ce sont des gens très riches. Si tu te fâches avec un client, là. Exactement. Oh, là, ça, ah ouais, non, c'est clair. Elle est virée. Je pense que les mecs qui appellent, c'est des Ribéry. Les mecs ont d'oseille, quoi. On se fait fédérer, Alex Ayono. Ouais, pardon. Déjà, quand ils m'ont accueilli dans leur boutique, tu voyais que voilà. Pourtant, je suis pas grand monde, tu vois, mais ils m'ont bien accueilli, quoi. Le mec, à 11h du matin, il m'a proposé un whisky. C'est la coupe des cheveux, ça, c'est pour ça. Ah, c'est il a une coupe d'homme riche. Déjà, il habite dans 9 mètres carrés, mais il est riche, je crois. Le stagiaire, c'est le mec qui traîne autour des bennes. Merci beaucoup. Guillaume et votre message aussi, sonce 12. Allez, fédère, Alex Ayono, Lord Lee. Juste après, on fait le nouveau jeu sur Énergie. On fera le. Jeu du médecin du village. On le calera tard, on parle de cul aussi. On va parler des fois où les potes ont cassé des plans cul énormes. On va retrouver Ludovic qui a appelé de Strasbourg. Qu'est-ce que t'as fait, James Sanda? Tu viens de siffler là, non? C'est pas moi. Putain, alors là, tu m'as fait arrêter le 10 ou j'ai arrêté la pub, mais c'est pas moi. Ah bah très bien, bon c'est pas grave, vous bougez pas et on s'en touche juste après, je suis obligé d'envoyer la pub du coup. Le CD est rayé, on l'envoie après. Vous êtes invité au premier concert privé de Soprano. C'est Soprano. Oh là là. En haut de la tour Montparnasse avec Énergie. Pour la sortie du nouvel album de Sopra. Écoutez Énergie tout le temps. Dès que vous entendez le double hit Soprano, appelez Énergie 3937 et gagnez vos places pour la Énergie Live Session de Soprano. Le 28 octobre, en haut de la tour Montparnasse à Paris. C'est un truc de dingue. Énergie. Numéro 1 solid pop, R&B, dance. En ce moment, Julie et Coé ont un peu le trac. Eh, normal, ils passent leur code. Eh oui, le code de la route. Avec La Poste, pour 30 euros seulement, on peut passer son code. Alors faites comme eux, partout en France et près de chez vous, avec La Poste. Pour s'inscrire, c'est simple. Rendez-vous sur laposte.fr/lecode. Leclerc.

pendant 2 heures, valent plus qu'une journée entière. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Alors, j'ai récupéré des PlayStation VR, les casques là pour pouvoir avoir la réalité augmentée sur la Play là qui sort. Ouais. Là. Tu l'as testé, JM du Standard? Toujours pas. Toujours pas. Ouais, c'est bien ou quoi? Il sort demain là. Il sort demain. On en a récupéré pour lundi, mardi, mercredi, tout ça, pour toute la semaine prochaine et tout ça. Les PlayStation, ça déchire. Ça donne envie. Ah, je suis. Bah, là, ouais. Non, mais ça a l'air incroyable. Franchement, ils l'ont teasé. Ils ont dit que c'était hallucinant le truc et tout. Donc voilà, ça va être à partir de la semaine prochaine. Je vous filerai. Là, j'ai des PS4 à vous filer encore. On a récupéré des nouvelles PS4. On a récupéré les tablettes Samsung Galaxy Tab E aussi. S'il y en a qui veut une PS4, on l'offre maintenant. Ça prend 2 minutes. On fait le jeu comme chaque soir. Je marque un chiffre sur ma feuille. Le premier qui le trouve, bah, je lui file le cadeau. Allez-y, on y va en 30 secondes. On va vite. Vous envoyez un texto. Vous commencez par Guillaume, le message. Guillaume, un espace et. Le bon chiffre avec votre numéro de téléphone au 6 11 12. Voilà, Guillaume. Vous pouvez jouer avec nous, hein, on joue 30 secondes. Le premier qui me le trouve, je lui fais le cadeau. Je vous jure que c'est vrai, il y a un logiciel. Il peut pas y avoir de triche et tout. 23h26 et 55 secondes. J'ai marqué le chiffre sur ma feuille, je l'ai montré à toute l'équipe. Ouais, c'est bon. Voilà, à l'instant, Guillaume, et vous envoyez le chiffre au 6 11 12. Avec une énorme chatte, vous pouvez l'avoir dès le début. Il y en a un qui dit 256, c'est moins que 256. Donc ça va aller très très vite. Vous avez une putain de chance sur 256. Guillaume, un espace. Et la bonne réponse avec votre numéro maintenant. Guillaume en espace, par exemple, il y en a un qui dit 100. C'est plus que 100. Guillaume en espace est 100 avec son numéro de téléphone. Il a mis 06 là, 47, 89, 29, etc. Salut à toi. C'est plus que 100 et c'est moins que 256. Est-ce que ça serait. Il y en a un qui dit 250, c'est moins que 250. 200, c'est moins que 200. On dirait les enchères un peu. Ça va vite, les mecs. C'est plus, les gars. On est entre 100 et 200. Ça va aller très très vite. Hein. Est-ce que c'est 150? C'est moins que 150. Ah. Voilà, Guillaume est le bon chiffre. 612 en 2 minutes. Réfléchissez bien. Entre 100 et 150, ce que ça peut être vraiment. C'est une chose sur 50. Hein. Guillaume est la bonne réponse. 612. Allez, on le finit en 30 secondes. Comme ça, on passe à la suite. On parle de cul en plus après. Vous avez été nombreux à nous appeler pour parler de sexe. Bah, les fantasmes pas assumés dans le cul. D'accord. On l'avait commencé la semaine dernière. On avait beaucoup de réactions. Donc, c'est pour ça qu'on va le finir. Ouais. Les fantasmes qu'on assumait pas. Ouais. Il y avait un mec qui nous avait appelé parce qu'il se branlait sur les films de cul gay. Ouais. Et on devait le prendre à l'antenne. Il avait envoyé des messages, etc. Et qui était hétéro de sang. On va en parler après. Les fantasmes pas assumés, on le fait dans 2 minutes. Guillaume est la bonne réponse donc au 6, 11, 12. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est entre 100 et 150? C'est la bonne fourchette ce soir, entre 100 et 150. Salut à toi, hein, 06 31 06 88 50 et quelques, qui m'a dit 150. C'est moins que ça, frérot. Bonne chance. Est-ce que c'est 101? C'est plus que 101. Est-ce que c'est 106? C'est plus que 106. 108, voilà, il y a tous les messages qui arrivent. 110, c'est plus que 110. Entre 110 et 150. Guillaume, donc, est la bonne réponse au 6-11-12. Avec votre numéro. Les mecs, oubliez pas, il y a 28% de messages sans numéro de téléphone. Est-ce que c'est 127? C'est plus que 127. Entre 127 et 150. Voilà, qui suis-je? Guillaume est la bonne réponse au 6-11-12. Entre 127 et 150. Qu'est-ce que ça peut être? C'est vraiment entre les deux en plus. Hein. Est-ce que c'est 130? C'est plus que 130. 131? 132? Non, c'est plus que 132 aussi. Plus que 132, 133, c'est plus que 133. Est-ce que c'est 141? C'est moins que 141. On cherche un chiffre entre 133 et 141. Entre 133 et 141. Juste le temps de se faire Martin Garrix, on prend les gagnants. In the name of love. Le premier qui me le trouve, j'ai filé un cadeau à 500 boules. Les mecs, il y a une chance sur 30. Une chance sur 10 maintenant. Entre 133 et 141. Une chance sur 8 exactement. Ouais. Guillaume est le bon chiffre entre 133 et 141. Avec votre numéro de téléphone au 612. Et Martin Garrix, In the name of love sur Energy. Guillaume Radio 2.0 jusqu'à minuit. Guillaume Radio 2.0, c'est 22h minuit tous les soirs sur Energy. You call in the name of love. Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all in the name of love. justified, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Nouvelle saison, nouveaux horaires. J'ai de la couille, j'ai de la bile, c'est tout ce que tu veux. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Alors, je vous mets le portable le plus cher du monde en vidéo, là, sur mon Facebook. Voilà, je vous le mets à l'instant, je suis en train de l'uploader. Guillaume Play, PLEY. J'ai filmé en plus, si vous voulez aller voir, c'est hallucinant. Guillaume Play, PLEY, vous allez voir, vous allez halluciner vraiment la vidéo, là. Guillaume, tu devrais écouter Blood, Sweat and Earth du groupe BTS et de la bombe. Ils sont numéro 1 dans plus de 27 pays sur iTunes. Ah, c'est vrai? Mets-le, vas-y, on va le mettre tranquille. On va faire un jeu des appels de phare, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On cherche un chiffre juste en deux minutes, là, entre 133 et 141. Voilà, qui suis-je, qu'est-ce que c'est? Il y en a qui dit 135, c'est plus que ça. Le premier qui me trouve le bon chiffre, les gars, je lui offre la PS4. Et s'il veut, la tablette Samsung Galaxy Tab E. Entre 135 et 141, Guillaume est la bonne réponse avec votre numéro. Voilà, qu'est-ce que ça peut être au 6, 11, 12? On fait ça tous les soirs. Entre 135 et 141, il y en a qui dit 139, c'est moins que 139. Oula. 138, c'est moins que 138. Entre 135 et 138, Guillaume donc est le bon chiffre avec votre numéro au 6, 11, 12. C'est normal, à chaque fois ça arrive un petit peu en dessous, un peu au-dessus. Et je vous ai mis une vidéo aussi d'un singe qui marche, qui est habillé comme Maître Gims. Ouais, il défile. Et la vidéo, elle tombe partout et tout. Je vous ai mis le singe là qui. On dirait un singe qui revient à la Fashion Week et tout. voilà, qui suis-je? Guillaume, donc, est la bonne réponse au 611-12. Qu'est-ce que ça peut être? Alors voilà, entre 135 et 138, le bon chiffre. Guillaume, quand j'étais jeune, je me suis pris une fourche dans le cul. Depuis, j'ai une cicatrice, j'ai eu hyper mal. Et j'ai hyper mal quand j'ai des gros besoins. Ah merde. Ah, tu m'étonnes pour pousser, genre. T'as pris vraiment un pic dans les fesses. Ça doit faire mal. C'est ouf ça. Bah attends, on va t'appeler. Le pauvre. On va t'appeler. Oui, ça va faire mal, Jim. C'est un accident. Ouais. Il a eu mal. Et on va t'appeler, frérot, si tu veux nous raconter un petit peu. Jim, j'ai le morceau de BTS. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Voilà, c'est la nouveauté apparemment qui cartonne en ce moment. Nelson pour le jeu des hôtels, tu bouges pas mon Nelson. On va refaire à le jeu, tu m'entends Nelson ou pas? 19 ans. Oui, oui, oui, oui. Ça va ou quoi? Tranquille. Salut. Nelson. Salut mec, Nelson, Nelson de Lyon, à côté de Lyon. T'appelles de Grézieux-la-Varenne, donc représente le 69. Ouais, le 69. On va faire un jeu des hôtels. T'es étudiant, tu travailles, tu fais quoi Nelson dans la vie toi? Je suis routier. Routier, vas-y, bah dédicace aussi. En même temps, il y a beaucoup de routiers. Big up, big up. Bon courage à tous les routiers et tout. Merci d'être avec nous, les frères. Nelson qui est là. On va faire quoi comme jeu, Nelson? Le jeu des hôtels. Ouais, mais quoi, comme règle? T'es au courant ou pas? Allons chercher le chat de Sacha. Chez ce chercheur. Il faudra dire en fait cette fois. Non, non. Ouais, t'as l'air de Jamel Debbouze un peu, toi. Ah, je t'ai un peu pas là. Mais Non, mais juste avant, tu m'avais le rire. Voilà. On a trouvé le chiffre, ça y est, il vient d'arriver. 137, eh ben, très bien. On prend le gagnant. Et mon Nelson, on va faire le jeu du. Il faut chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge, on va le faire juste après. Mais d'abord, on appelle le gagnant. C'est parti, et on lui file une PS4. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en tête. Par contre, faut répondre, hein, les mecs. Hein. J'appelle en numéro caché, je préviens. Allô? Ouais, allô? Allô? Bonsoir, vous allez bien? Vous allez bien? Ça va ou quoi, frérot? Chanté, t'appelles d'où? Quel est ton prénom? Benjamin de Montpellier. De Montpellier. Enfin, c'est moi qui t'appelle, mais enchanté, Benjamin de Montpellier. Là. Salut. Ça va ou quoi? Tranquille, Benjamin. T'as quel âge, Benjamin? 18. Eh bah, vas-y, bienvenue. Hein. Ben, tu fais quoi dans la vie? Étudiant, Montpellier. En quoi? Fac de sciences. Ah ouais, t'as repris quand, toi, la fac, là? Les cours? T'as repris en septembre ou tu viens de reprendre? Non, ouais. Ah, parce qu'il y en a qui reprennent que demain. Ouais, en octobre, il y en a. Ah, et les gens, ils reprennent que demain, avec plaisir. École de commerce, tout ça. Ouais. Bon, en tout cas, Benjamin qui est là, 18 ans. Et qu'est-ce que tu préfères, frérot? Tu préfères une PS4 ou la tablette? Ah, bah, PS4. Vas-y, je t'en bats demain. On te l'emballe. Bravo. Vas-y. Hein. En plus, il y a le nouveau Battlefield 1.0, là. T'as de la chance. Oh là là. Je sais pas, il y en a un qui m'a envoyé une photo de. Mais je croyais qu'il était pas sorti, là. Tu joues à quoi, toi, sur Play en général, Ben? Sur quoi? Ouais. Sur Play? Ouais. Et pourquoi tu joues à quoi en général sur Play? Avec les potes, FIFA, c'est tout. Ouais, que du FIFA. Ouais, la base, ouais. J'ai voulu acheter FIFA 17 hier, putain. Et alors, ça n'a pas marché, ma carte bleue n'a pas marché. Et il est long en plus. Et énorme, quoi. Il vaut mieux aller le prendre en magasin. Il est super long à télécharger partout, ouais. Ouais, 40 gigas, ouais. C'est relou. Ouais. Ouais. Tu l'as acheté, toi? Ouais, mais je suis allé en magasin, ouais. Ah, c'est vrai. Même l'installation, elle prend une plombe. Ah, putain, c'est vrai. FIFA, c'est abusé, oh. Franchement, ça met trop de temps, c'est pas possible, quoi. Bon, en tout cas, on t'envoie la PS4. Et pourquoi t'as envoyé 137 au hasard? Bah entre 100 et 200, vraiment, une chance sur 100. Ah ouais, t'es du cul. Et en fait, 137, c'est un rapport qui est sorti aujourd'hui, c'est le nombre d'heures qu'un Français moyen passe sur Internet par jour. De minutes, pardon. Ah ouais. 2h17. C'est beaucoup, hein, quand même. Ah ouais. 2h17 sur Internet. C'est-à-dire que c'est comme la télé, quoi, maintenant. Tu passes autant de temps sur YouTube, la télé. YouTube, Facebook, tout ça, ouais. 2h17, quoi, voilà. Pour ceux qui suivaient pas le truc, ça nous a halluciné, quoi. Vas-y, frérot, tu veux faire une dédicace, Benjamin? En ce moment, c'est MIEN. La fac de sciences, tout ça. Vas-y, y'a pas de problème. Bisous tout le monde. C'est quoi EMIEN? Pas compris. MIEN? IEN. IEN, vas-y, pas de problème. Ça veut dire quoi? C'est un code? Ingénieur écologue naturaliste. D'accord, C'est ton truc. C'est bon, voilà. Chic, bonjour. C'est ta section. Vas-y, écoute, je t'envoie ça et je t'en passe faux des cadeaux pour alors, on va t'arranger là. D'accord? Ok. Avant de se faire le jeu des hôtels, y'a pas de problème, tu rigoles. Je suis avec ma grand-mère. Grand-mère! Ah oui! La grand-mère! Ah oui! Ah non, là, on dirait une copine. Ah, non. Ouais. Je tremble un peu quand même. Je tremblote. Attends, je vais essayer. T'arrives pas à faire ça. La mamie, attends, je me mets en position. Je m'appelle Xavier Duval. Nous sommes en 1925. Je marche dans les prairies françaises. Je me balade en Bourgogne cet après-midi. Je suis tout seul avec mon petit chien. Mon petit chien que nous appellerons Ludovic. Il est avec moi tous les jours, depuis que Dieu existe. Depuis que je suis né. Il a 18 ans comme moi. Et nous marchons dans les champs avec des coquelicots partout. Des petits coquelicots et des petits pissenlits. Et même des petits boutons d'or là-bas. Attends, mais j'ai l'impression de voir quelqu'un que je connais. Mon voisin est là-bas. Alfred! Oui! Alfred! Oui! Pourrais-tu venir, s'il te plaît? Demain, j'organise une petite buverie. Si tu veux venir avec nous, tu es le bienvenu. J'adore les buveries, j'aimerais grand plaisir. Il faut juste que tu amènes une petite bouteille. Avec plaisir, une bouteille de Bourgogne, on est chez nous, l'empêche. Ah, bien sûr, soyons chauvins. Oui, merde alors. La France, c'est nous quand même, bordel. Vive la France! Vive le roi! Non, il n'y a plus de roi en 1925. Mais j'aime bien quand même le dire. Vive De Gaulle! Non, c'est pas De Gaulle non plus. C'est un autre. Vive René Coty! Sacré René! Voilà! Oh, il est fou le René. Alors, ah là là. Viens-tu avec ton homme? Mon homme? On vient de se séparer. Ce sacré Maurice m'a trompé avec un. Mais c'est quoi cette voix? Les couilles à briller. Je sais pas. C'est 1925. Le mec, il est fou, ce sacré Maurice. T'as parfois mis des petites musiques comme ça. Si vous découvrez l'émission, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est toujours comme ça. C'est toujours mon Benjamin? Ah ouais, je suis là. T'as une gonzesse, toi, ou quoi? T'es célibataire, là? C'est libre, ouais. Oh là là. C'est bien d'être seul, des fois. Tu te sors un peu les doigts du fion pour en trouver une, ou t'es un peu timide? Je crois qu'on y va, voilà. On y va à tâtons? On y va à tâtons, ouais. Voilà, à tâtons. Ouais. T'es du genre timide ou t'es du genre pas assez timide? Ouais, normal. Ouais, normal. Ouais. T'es entre les deux, quoi. Tu poses pas tes couilles sur la table non plus quand t'as invité. Voilà. Non, bah t'as raison, c'est mieux. C'est pas bien non plus, les mecs, ils sont trop à l'aise. Faut être entre les deux. Ouais, c'est dur. C'est bien d'être un petit peu, mais montre un petit peu c'est mignon, de la timidité, tu vois. Elles aiment ça, les femmes. Voilà, je viens de s'agir quand dans une baisse, ils montent direct son anus. Faut être réservé, mais. Ça peut mettre mal à l'aise à quelqu'un qui connaît pas, toi. Je suis pas comme ça, non. Non, mais c'est important en plus de montrer un petit peu qu'on est à l'aise, mais pas trop, faut être distance, c'est un dur jugement. T'as déjà ken ou pas, toi? Moi, non, pas encore. Ah là là, putain, ouais, ça va venir. Ouais, eh ben, écoute, j'ai l'honneur de t'annoncer que Julien Stagiaire vient dans 2 semaines. Voilà, Montpellier. Mais ça va pas. Pour te faire une petite branlette. Ne le crois pas, une branlette. La première branlette. Ah, je suis pas une pute, hein. Ah non, mais c'est pas ça, attends. Ouais, on a jamais dit ça. On n'a pas parlé d'argent. On n'a pas parlé d'argent. Exactement. Excuse-moi, tu m'emmènes en train, je sais pas où, à Montpellier. Non, mais attends. Je prends un mec, ça va. Attends, c'est où? Dans quelle ville que vous avez la première fois? JM du Standard. Aix-en-Provence, ouais, c'est ça. Ah ouais, Julien Stagiaire, la taquine où? À Mulhouse. À Mulhouse. Julia, t'as niqué où la première fois? À Paris. Ta première tub, hein, pas le premier. Oui, bah oui, à Paris. À Zizi, Zizi parisien. C'est pas un titre. Florian Cadeau. À Chauvet. À Chauvet. Ouais. Dans le 44. Dans le 40. Ah, on a tout l'Atlantique. Je sais même plus où j'ai niqué. Ah si, dans le 66. Moi, t'es à domicile ou à l'extérieur? Non, c'était. Chez elle. J'ai commencé. À Pézia la rivière. Ah ouais. Chez Diane, 38 ans. J'en avais la fameuse c'est Diane. C'est la fameuse, ouf, la fameuse Pézia la rivière. Oui. Après, fallait peut-être pas dire parce qu'il a peut-être pas 5 ans. Ah bah là. C'est un petit village et tout, ils sont pas 150 000 non plus. Quoi. Ça, c'est Pézia représente hein, les habitants. Il y a un autre mec qui habite à Pézia, c'est le chanteur Kali. Ah ouais, ouais, de la famille Diane. Je dis pas de conneries là. Non, il est pas de la famille. Calme-toi, je sais. Une cousine lointaine. Ah là là. Ça fait 2 fois que j'ai la bonne réponse au jeu. Putain, j'ai pas eu de chance. Salut, frère. Bah, ça doit être juste après. Et demain, on a Soprano. Ouais. On a gardé exprès quelques places dans le public encore pour ce soir, pour demain. Enfin, pour vous les offrir ce soir, pour demain. S'il y en a qui veulent venir, vous voulez faire une surprise à votre copine, à votre copain, à votre frère, à votre frérot, à votre sœur, à une cousin. Copine, sans lui dire, et vous voulez faire une surprise et venir avec nous. Demain, de 22h à minuit, on aura Soprano qui sera avec nous. Ça va être bien rigolo en plus demain. On va bien rigoler. On a prévu des énormes trucs, des énormes jeux. Vous nous connaissez un peu si vous connaissez un petit peu l'émission. Ah oui. On fait toujours des conneries et tout ça, donc ça va être énorme. Et ça va se passer donc demain, 22h minuit, à Paris, dans le studio parisien, au 22 rue Boileau. S'il y en a qui veulent venir, envoyez-moi juste un mail, guillaume@energie.com. guillaume@energie.com, avec plaisir, les mecs. Voilà, guillaume@energie.com, vous m'écrivez, vous serez les bienvenus, les gars. Trouvez-moi une femme de 33 ans italienne, mais pas le stagiaire. Est-ce qu'il est arrivé le McDo? Toujours pas. Ouais, mais tu vois, c'est un peu de l'enfume, non? Ouais. Ah, c'est vrai que le McDo il est à côté, à pied, tiens, il n'est pas arrivé. Elle était pas au courant que c'était nous, peut-être la meuf. Je sais pas, peut-être. T'as raison. Elle avait un air normal. Non, t'as raison. On parle pas comme ça au courant. Bah non. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et surtout qu'il m'a pas demandé de mot de passe. Dans le conciergerie, il y a un mot de passe vocal. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'elle le fasse pas, quoi. En plus, on a faim là, merde. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu chelou, mais enfin bon, écoutons, j'espère qu'ils vont le faire, sinon on leur fait une mauvaise pub. Voilà. M'appelle le SAV demain. Non, vraiment, c'est hyper important pour nous. Gestagia a tellement la tête profil qu'il ressemblait à un suppositoire. Ça va être pour essayer de trouver du cul. Bonsoir. Mika, 17 ans, il n'y a pas moyen de trouver que tu puisses passer la reine des nouveaux albums de Joystar. Ah, j'ai pas entendu ça. C'est une dinguerie. Salut à toi, man. Ah ouais. J'ai niqué la première fois au Bois de Boulogne et crié comme une chienne. Elle m'a donné son nom, c'est Jeune Stagiaire. Salut à toi. Jeune Stagiaire, c'est pas moi. C'est Julien le stagiaire. Ah, bon, je t'embrasse, mon Ben, en tout cas. Je te repasse, Julia, frérot, ouais. Et puis on t'envoie la PS4 demain matin, d'accord? Ok, merci. Allez, vas-y, et bon. Salut. FIFA, hein, pense à nous quand tu fais FIFA. Bonne partie. Ciao, frérot, ciao. Allez, on y va pour le jeu des hôtels. Juste Philippe, tu m'entends, Philippe? Oui. Ça va, Philippe? Oui. Ça va, tranquille, de Chauffontaine, hein, 50 ans. Attends, je coupe ma radio, voilà. Ah, salut. Ça va ou quoi, tranquille? Oui, je t'entends. Ah, bah, moi aussi, je t'entends. Eh, on s'entend tous les deux, on peut commencer à discuter. C'est bon, ça. Ah, ça, c'est magnifique. C'est bien. T'es déjà passé à la radio, mon Fifi, ou jamais? Non, jamais. C'est vrai, c'est le dépucelage. Voilà, dépucelage. Eh ben, dépucelage radio. Il n'y a pas d'âge pour se dépuceler. Exactement. Bien dit. 50 ans, première fois que tu passes à la radio, quoi, Philippe? Ouais, ouais. Putain, voilà. C'est gentil. Tu travailles dans quoi, toi, Philippe? Non, je suis ouvrier de fonderie, mais je ne travaille plus pour le moment. Ah, d'accord. Okay. Bon, bah, en tout cas, merci de passer un petit coup de fil et tout. Depuis quand tu connais mon émission, Philippe? Je suis célibataire depuis le mois d'avril, et depuis le mois d'avril, je suis retrouvé dans une maison qui m'appartient, mais où j'ai pas la TV, donc j'écoute la radio. Ah bah c'est gentil. Ah merci. Merci moi alors. Bah c'est gentil, merci mon Fifi. Hein. Puis on va retrouver Ludo après qui a raté un plan à la Gay Pride, il nous racontera. Denis, son pote gay qui lui a pourri un plan, on va en parler, il y a plein de messages qui arrivent. Hein, voilà. Guillaume et votre message. Raphaël, son coloc lui a présenté une meuf et c'est lui qui s'est tapé le plan à 3. Ah ça c'est rien. Guillaume et allez-y, hein, si vous voulez réagir, on va 612 jusqu'à minuit. Qu'est-ce qui t'est arrivé frérot Fifi là? Ben moi, il m'est arrivé que je sortais avec une fille de mon village qui servait à la boulangerie, donc que ma maman connaissait. Oui. Et une fois, j'avais 17 ans, 18 ans, j'ai ramené une autre fille chez moi. Et ma mère me toquait à la porte de la chambre. Et quand j'étais justement en train de mettre le chiffre avec ma mère à un endroit particulier, ma mère a toqué. Attends, qu'est-ce que tu sais que t'es mal? J'ai pas compris, mon Fifi. Chipoté quoi? Vas-y. Tu quoi? Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? J'ai pas compris, Fifi. Eh ben, au moment où j'étais avec mes mails à un endroit à la fille. Bah non, mais explique, on comprend pas. À l'entrejambe. On est à la radio, tu peux. Oh, c'est genre, tu t'en es en train de lui mettre un doigt. Voilà, c'est ça qu'on. Non, mais attends, on comprend pas. Mais c'est vrai, en plus, je comprenais pas de quoi tu parlais là. Ouais, d'accord. Et ma mère a toqué à la porte, elle a dit: si tu ne sors pas de là, je vais téléphoner à ton autre copine pour lui dire. Ta mère. Et là, ouais. Moi, ça me gênait pas. Moi, ça me gênait pas. Mais parce que t'avais une autre, t'avais une meuf en fait. Là, elle a entendu, elle, ça a coupé ses envies, quoi. Elle m'a dit au revoir. Ouais. Putain, c'est dingue. Ah, parce que t'avais en fait une meuf en même temps, donc tu trompais ta meuf, quoi. Ah ben, t'as retiré le doigt, du coup. Ouais, c'est ça. Merde. Putain, c'est dingue. Ouais, mais j'avais 18 ans, ouais. 18 ans, l'autre, ça faisait peut-être un mois que j'étais avec. Quand on a 18 ans, ça aurait pu passer, quoi. Ouais. Partout, ouais. Les horizons, hein. Attends, mais et ça faisait quoi ta mère quand tu mets un doigt à une meuf? C'était quoi son problème? Non, ma mère, elle était, si tu veux, quand j'étais petit, j'allais à l'église évangélique, je sais pas si tu connais. Ouais, mais de nom, ouais, enfin, je sais pas ce que c'est. C'est l'église, quoi. Bah, c'est une église, quoi. Ouais. Donc ma mère, elle était assez carrée pour ces choses-là. Ouais. Et il y a déjà une fille dans ma chambre, je l'avais fait monter tout doucement sans que ma mère s'en aperçoive, mais elle s'en est aperçue. Ah, il fallait pas que ta mère le sache que tu trompes une meuf, quoi. Ah, non, déjà que je sois avec une meuf chez moi. Ouais, d'accord. Ah ouais, ouais, ouais, de la mère. Ouais. Ah ouais. Je te parle de ça, c'est en 85, hein. Ouais. Putain, donc, ouais. Ma mère maintenant a 80 ans, donc c'est pardonné, ça l'entend, quoi, mais. Il y a un nouveau terme pour tous ceux qui sont nés après 2000, c'est les millennials. Ouais. Mais c'est repris sur tous les sites, là, j'ai vu. Là. Ah ouais. Ah ouais, même sur Combini, là, voilà, les millennials délaissent le Big Mac pour des burgers artisanaux. Ah bah, les millennials, il est moche ce mot. Millénaire, millennials. Millennials. Laisse tomber l'agneau, un peu. Ludovic, 19 ans, Strasbourg. Bonsoir, Ludovic. Salut, il est beau, il a le haut-parleur tout chaud. Ah, c'est vrai. T'as l'oreillette alors? Non, même pas. Là, c'est bon, tu m'entends? Non, frérot, ton téléphone il est pérave là. Je te jure, on t'entend de loin. Attends, tu m'entends là? Ouais, je sais pas. Mais t'as un truc devant la bouche, t'as genre une cagoule ou quoi? Tu as fait un brago? T'imagines? C'est là, tu m'entends ou quoi? Ouais, non, mais je sais, mais tu manges un artichaut, t'as un milliard de trucs, je te jure, t'as une barbe dans la bouche, hein. T'as un abcès, t'as tu mâches une barbe ou quoi? Ouais. Non, on t'entend. Je m'en vais pas d'une stagiaire, moi. Ah, ouais, ça va. Non, mais attends, hey, juste Ludo, tu veux bien tenir ton téléphone par en haut? Juste par en haut? Tiens-le en pince par en haut. Ferme même un peu la bouche. Peut-être que t'as la bouche. Non, ouvre la bouche. Il y a peut-être la bouche, justement, pas assez ouverte. Et Ludo, t'as pas un téléphone fixe? Non, même pas, non, je te jure. Ah, ouais, putain, c'est mal, là, chaud. Parle fort. Et t'es seul ou t'es avec quelqu'un? Ouais, je suis tout seul, là. Ah, ouais. Merde, putain. Attends. Pas de cul, quoi. Et tu m'entends là? Ouais, mais pareil. Il faut aller que tu prennes un truc bon demain et que t'enlèves la mousse qui a toute la poussière qu'il y a dans le. Ah, je l'ai fait il y a pas longtemps. Il faut le faire parfois en dessous des téléphones et tout. Il met trop de la mousse. C'est un téléphone de blédard, t'as vu? Ah non, bah c'est pas grave, ça, c'est un téléphone de blédard. On a tous le droit d'une petite partie de blédard en nous. C'est juste que, en fait, quand le téléphone, le problème, c'est que le son, c'est quand même le truc de base. Ah, bah oui, c'est important. Bon, tu fais quoi dans la vie, mon Ludovic? Boulanger. Boulanger, où ça? Strasbourg. Au Strasbourg, vas-y, dédicace. Hein. Et boulanger représente. Bon. Petite dédicace. Ouais. Je referai d'ailleurs une fois un message pour les boulangers, pour tous ceux qui nourrissent la France, tous ceux qui font le pain et bonne baguette. Et la brioche. Attends, ciel. Attends. Pour faire une dédicace à tous les gens qui portent la farine et le blé, tous ceux qui font chaque matin. Que les enfants soient contents de manger des friandises et des petits pains au chocolat. Qui font que chaque matin, ta daronne est contente de se faire une tartine de pain au lait. Qui font que chaque matin, tu peux aller voler un bonbon à la boulangerie sans le payer. Et acheter un petit nounours en guimauve pour quelques pièces de centimes. Les boulangers, vous faites vivre la France. Vous nourrissez les Français. Vous faites vivre le peuple. Grâce à vous, l'humanité ira plus loin. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un truc. Elle est énorme. quand même. C'est pas mal, hein. Cette musique. Ah, c'est, et t'es ah, ouais. T'as les yeux Vraiment, ouais. Ah, c'est vrai. Ouais, non. Oh, non, il est. Attends, ça va. Attends. Si, attends, regarde, James. Il a été touché, là, on dirait. Regarde, allez. Ça va pas. Il est tout rouge, James. Il est vu. Ça va. Il est sensible ce soir. T'inquiète sur cette musique. Pas comme ça. Je dois faire une dédicace pour tous les rendez-vous Tinder. Tous les gens qui ont liké JM du Standard sur WhatsApp, sur Apple, pardon, ou sur Tinder. Tous ceux qui ont envoyé un charme ou un crush à quelqu'un un jour, en attendant désespérément sa réponse. Ou pendant une semaine, on ne pense plus qu'à elle alors qu'elle nous a répondu que trois fois. On se dit qu'on va peut-être la niquer, que ça sera peut-être la femme de notre vie. On se dit que peut-être c'est un fake, elle ne nous répondra jamais. Pour tous ceux qui sont sur les autres applications de rencontre et qui espèrent rencontrer l'amour de leur vie. Vous espérez peut-être tous tomber sur une perle. Peut-être trouver l'amour et faire des enfants, main dans la main. Vivre l'amour parfait, partir en vacances en couple. Et rigoler la nuit sur l'oreiller. Faire l'amour chaque soir, main dans la main. Sentir sa transpiration et son cœur qui bat. Vivre les beaux moments et vous marier. Malheureusement, on tombe plus sur des catins et des cateux. Sur des filles qui ont juste envie de niquer et des hommes qui ont juste envie de baiser. Merci Tinder de nous avoir fait espérer. C'est génial, hey, ouais. Ça fait longtemps, dire, c'était pas mal ce genre. C'est impressionnant en plus, ça Tinder. De quoi? À chaque fois t'espères qu'il y a une fille qui te répond. Ah, bah oui, ouais, peut-être que... Et après t'es dit en fait j'ai pas dit un truc, je suis en cours. Allez, Daft Punk et The Weeknd, on se le cale après ça. Et Jeux des Hôtels sur Énergie. Les meilleurs hits arrivent plus vite sur Énergie qu'ailleurs. Music only. Événement. L'aventure Friends Trip revient pour une nouvelle saison sur Énergie 12. Quatre équipes de trois amis vont vivre un road trip hors du commun au Canada. Au bout de l'aventure, un seul d'entre eux pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. Défi extrême, amour, stratégie, aventure, trahison. Ils vont devoir se surpasser pour remporter le road trip de leur vie. Leur amitié résistera-t-elle? Friends Trip, saison 3, à partir du lundi 24 octobre, à 18h15, sur Énergie 12. Chercher l'âme sœur, faire fortune. Un conseil? Flou au 7-22. Nos experts seront là pour lever le voile sur ce qui te tracasse. Plus de poids sur le cœur, plus de peur. Flou, F-L-O-U, au 7-22. Tu connaîtras enfin le soulagement d'avoir les réponses à tes questions. Envoie Flou au 7-22. Prends ton destin en main. Flou au 7-22. 65 centimes plus prix du SMS et énergie. Gagnez des consoles PS4 pour la sortie du film Warcraft, le commencement, en Blu-ray. Avec Énergie. Que venez-vous faire? Sauver notre peuple. Écoutez Koé de 19h à 22h sur Énergie et gagnez des consoles PS4. Pour les orques, mon ami, c'est la guerre. Warcraft, le commencement, disponible en Blu-ray avec Énergie. It Music Only. Après la fête, au cœur de la nuit, un super-héros sauve des vies. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Mais ce héros n'a pas la grosse tête. Quoique, il pourrait. Parce que quand même, jusqu'au 16 octobre, Sam peut vous faire gagner des places VIP avec deux de vos potes au Energy Music Awards. Alors à vous de jouer. Jeux et règlements sur la page Facebook de Sam, le conducteur désigné. Ils arrivent à le faire pendant deux heures, sans s'arrêter. Hein, c'est une bouffeuse de merde. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Energy. Allez, salut Guillaume, des filles pour Halloween. Julien Stagiaire se déguise en suppôt géant avec une tête fuselée. Ouais, merci. C'est pas un suppôt. Tu refais quand, Boubou le Marabout? On va le refaire avec plaisir. On va se faire un jeu des hôtels maintenant et puis juste après. Juste pour vous dire, demain on sera avec Soprano sur Energy. De 22h à minuit, il vient co-animer l'émission avec moi. Demain on va bien rigoler. 22h minuit, s'il y en a qui veulent venir, il reste encore 2-3 places dans le public. Faut juste m'envoyer un email, guillaume@energy.com si vous voulez venir demain assister à l'émission. guillaume@energy.com ou par texto. Guillaume, un espace. Vous envoyez Sopra avec votre numéro. Voilà, on va comprendre. Je vous appellerai après. après l'émission là. Guillaume, un espace Sopra, ouais. Avec votre numéro de téléphone au 6 11 12. Voilà, maintenant, on fait de la vraie radio les gars, c'est en direct, hein. Si vraiment il y en a qui veut, avec plaisir. Il y a eu du foot pour vous prouver qu'on est en direct. J'ai un stagiaire ce soir au niveau des femmes. Il y a Lyon qui a joué, ils ont gagné 4-0 contre un club norvégien que j'arrive pas à prononcer. Voilà, l'OL version femme. C'est ça, les Lyonnaises. Les Lyonnaises qui ont joué. Et demain il y a le PSG féminin aussi. Voilà. Très bien. Ceux que ça intéresse. Alors, à la Gay Pride, une histoire de Gay Pride, et ensuite on se fait le jeu des hôtels avec le. Il faut le faire en mode chercher le chat de. Attends. Non, on va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. On le fera après là. JM du standard, on va chercher quoi après? On va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. J'ai un stagiaire, il a jamais réussi. Ouais. Non, mais j'arriverai pas. Alors, on va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Je pense que. Je sais... Non, chez ce cher Serge. Non. On va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Ah, oui. Vas-y. Julien, on va chercher quoi? On va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Ah, le chat. Faut le cadeau. On va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Oh, je l'aime tellement la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. Bon, Nelson, t'es prêt pour le jeu des hôtels dans 30 secondes, frérot. Chauffe-toi chez toi, parce que dans 30 secondes, c'est à toi, d'accord, ouais. Nelson? Pas de soucis. Ok, et juste avant, Ludo, qui avait une histoire à la Gay Pride, qu'est-ce qui t'arrive, Ludo, à Strasbourg, là? En fait, j'étais à la Gay Pride, t'as vu? Et genre, en fait, il y a deux meufs qui viennent vers nous et tout. J'étais avec deux potes encore. Ouais. Elles viennent vers nous et tout, assez chaud, tu vois. Et du coup, elles me demandent si je suis gay, t'as vu? Ouais. Je leur ai dit non, après elles m'ont dit, ouais, ce serait dommage, ou je sais plus ce qu'elles m'ont dit après. Et après, bref, je voulais les suivre avec mon autre pote. Ouais. Et le truc, c'est que Ilan, celui qui m'a fait le plan foireux, là, bah en fait, c'est. Lui, il m'a dit, ouais, j'en connais une là-bas, il a voir et tout. Bref, pendant une heure, on l'a suivi, pour au final, rien à voir, t'as vu? Alors qu'avec les autres, il y aurait eu moyen. Ouais, j'ai rien compris, frère. Il a pas pécho une meuf. J'ai juste compris que t'as failli la pécho et tu l'as pas pécho, en gros, c'est ça? C'est d'un pote. Mais c'est avec des meufs? Ouais, mais non, il y avait deux meufs, tu vois. Et en fait, mon pote, il connaissait une meuf. Il a dit, viens, il y a moyen de la pécho et tout. Et en fait, ben non, on a rien. Moi, j'ai des potes qui vont pécho dans les clubs gays. Mais les meufs, parce qu'en fait elles y vont beaucoup en se disant elles vont pas m'emmerder. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bon? Et exactement, quoi. C'est marrant. Elles sont pas lesbiennes, du coup. Il y a de belles filles. Salut, Big Up de Liège. Merci, message en Belgique. Là. Salut Stéphane de Bruxelles aussi pour les poteaux. Salut, gros. Salut. Il est où le McDo? Putain, il est même pas arrivé. Trois quarts d'heure. Attends, appelle Jordan Lapprenti là. Appelle Jordan Lapprenti. On s'est fait niquer là. On a commandé un McDo à livrer, soi-disant. On va être remboursé. Avec l'application sur le téléphone le plus cher de monde, ça marche pas. Ah ouais, là on est pas content. Jordan Apprenti, ouais. Dans le couloir là. Alors, ouais. Si on a mis un micro dans le couloir. Pourquoi ça? Et on n'a pas reçu, hein. Non, pas encore. Je suis en train de les appeler pour leur demander pourquoi on n'a pas reçu. Non, mais c'est en cours ou pas? Ils t'ont donné des. Là, je les ai appelés, ils sont, je suis en attente là. D'accord, ah, c'est vrai. Et on a demandé un McDo. Ah ouais, il reste 2 minutes. Hein. Ah ouais, il va fermer le McDo très très vite. 2 minutes pour leur faire une très très mauvaise pub ou pour leur faire une très très. La c'est pression. Vraiment. Ça va être entre les deux. Hein. Tu nous tiens au courant là dès que tu les as. Évidemment. Dès que tu les as, vas-y, tu sors et tu viens au courant dans le studio. Tu le fais parler. Comme ça, tu nous dis. Alors, Ludo qui est là avec la Gay Pride, il y avait Nelson qui était là. On appelle un hôtel. Mon frérot, il faut que tu arrives à dire 7 fois en moins d'une minute 30 la phrase. On va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. C'est la phrase la plus dure à prononcer. Bonne chance. Chez les orthophonistes. Oui. Savoir, il y a pas. Essayez chez vous, hein, à voix haute. Parce que dans votre tête, ça marche pas. On va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Voilà. Très dur à dire. Ça paraît pas comme ça, mais je vous jure que c'est dur à dire. Bonsoir. Mais ça? Allô? Oui. Allô, oui, bonjour. Ça serait pour réserver une chambre d'hôtel. Oui, bonsoir. Ça serait pour réserver une chambre d'hôtel. Allons chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Pardon? Ce serait pour réserver une chambre pour demain. Oui. Allons chercher ce Sacha chez ce cher Serge. J'ai pas compris la fin, monsieur. Je vous ai demandé de réserver si je pouvais réserver une chambre pour demain soir. Oui. Ben voilà, une chambre de personne. D'accord. Alors. Oui? Oui, c'est tout à fait possible. Je ne vous entends pas très bien, par contre, ça coupe. Oui, et est-ce que vous avez un parking pour aller chercher le chat de ce Sacha sur Serge? Oui, nous avons un parking à disposition, le tarif de 13 euros. D'accord, il y a un ascenseur pour aller chercher le chat de ce Sacha sur Serge? Donc la chambre, elle est à 280 euros. Oui, mais ça, c'est pas un souci. Allons chercher le chat de ce Sacha sur Serge. Allez la raconter. Attends, je vais en faire et je te le passe. Hein. Et Nelson, par contre, laisse pas de blanc, frère. C'est-à-dire que dès que ça parle plus, tu parles à toi, d'accord? Faut que t'enchaînes. Oui. Ok, allez, vas-y. Je commence et je te le passe. Hein. Mais très très bien. Très très belle prononciation. Ah ouais. On va prendre un orthopédiste. Interhôtel Le Relais. Oui, l'hôtel Interhôtel Le Relais. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame, je voulais savoir en fait parce que je dois venir prendre une chambre d'hôtel chez vous, mais je dois aller d'abord chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge, c'est possible ou pas? Alors, vous devez aller chercher vos affaires. Non, non, attendez, je vous passe mon frère Nelson, il va vous expliquer. Nelson. Oui. Oui. Oui, bonsoir, ça pour réserver une chambre. On t'écoute, Nelson. Non, mais elle m'a mis en attente, là, non? Allô? Mais non, vas-y. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, oui, bonsoir, ça serait pour réserver une chambre. Mais avant, je dois aller chercher le chat de ce cher Serge. Alors, qu'est-ce que tu vois? Allô? Oui, oui, oui. Oui, ce serait pour réserver une chambre? Oui, ça serait pour réserver une chambre le 23 octobre. Pour aller chercher le chat de ce cher Serge. Alors. Donc, pour le 23 octobre, j'ai déjà regardé s'il me reste des chambres. Hop. Ça serait pour combien de personnes? Est-ce qu'il y a un ascenseur pour aller chercher le chat de ce cher Serge et ce cher Serge? C'est pour deux personnes pour aller chercher le chat de ce cher Serge et ce cher Serge. Pour aller chercher les? Je vous entends. Excusez-moi, mais je vous entends très mal. Ah bah je comprends pas. Attendez, je vais vous passer mon autre frère, excusez-moi, Julien. Attends, explique-lui ce qu'on allait chercher. Oui, bonsoir madame, on aimerait trois chambres s'il vous plaît parce qu'on est trois frères. Mais avant on va pas passer chercher le chat de Sacha, c'est sa recherche. C'est possible ou pas madame? Trois, non, ça va pas être possible. Parce que j'ai mon autre cousin, qu'est-ce qu'on allait chercher cousin? Bah on doit aller chercher le chat de Sacha, c'est sa recherche. Ah non, il y arrive moins. Eh cousin. Ouais. Qu'est-ce qu'on allait chercher? Eh ben on aimerait bien aller chercher le chat de Sacha, c'est ce Serge, s'il vous plaît. Alors, tu fais une dédicace Nelson et puis on laisse la place à Mickaël. Vas-y. Tu veux, toi, t'es pas aware. Il a un délai à chaque fois. Mon Nelson, il est pas aware ce soir. Il est pas dedans. Hein. Non, mais je vais y arriver. Vas-y, c'est pas grave, hein, Nelson. Hein. T'es boulanger, c'est ça? Non, je suis routier. T'es routier, pardon. Boulanger, c'est juste avant. Eh ben, dédicace à tous les routiers, alors. Vas-y, on t'écoute, Nelson. Eh ben, une petite dédicace à tous les routiers, à ma famille et à ma copine. Vas-y, t'avais prévenu du monde que tu passais du coup pour t'écouter là? Oui, il y a ma copine Cindy là qui se rétablit d'un accident et j'ai mon collègue Aurélien là qui roule. Un accident de quoi elle a eu? Elle a eu un accident de moto. Oh putain, elle a eu quoi? Elle a eu deux vertèbres déplacées et tassées, deux poignets, fracturées et une cheville avec une entorse. C'est vrai? Oh putain, c'est elle qui est tombée qui conduisait? Ah merde. Non, c'était avec son père en fait. Ils ont glissé dans un virage et ils ont basculé par sur un mur. Les pauvres. C'est chaud. Bah, bon courage, hein, ces accidents et tout de moto, c'est relou là. Gros bisous, les mecs. Bah, je t'embrasse, frérot. Je te repasse le standard, Nelson. Ok? Allez, pas de soucis. Allez, gros bisous, les mecs. Bon courage. Et on se retrouve demain, 22h, avec Soprano. Demain, on va bien rigoler. Il va nous le faire en live. Brille. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi, ce soir, je suis en feu. Émission en public hein, demain, guillaume@energie.com. Envoyez-moi, shootez-moi un petit mail avec votre numéro si je vous appelle après l'émission ou demain matin, comme ça on va s'organiser pour venir dans le public s'il reste 2-3 places. À demain tout le monde, à demain j'ai stagiaire. À demain Guillaume, salut, bonne nuit. Bonne nuit Guillaume, à demain Guillaume. Bonne nuit Julia. Salut Guillaume. Bonne nuit Flo des cadeaux. Bonne nuit Guillaume, bonne nuit. Allez, dormez bien les mecs, j'appuie sur le bouton et je vous envoie dans Mickaël qui arrive juste après ça. Un nouveau gang débarque à Los Angeles. Pas de pitié. Pas de quartier. La peur va s'abattre sur LA, motherfucker. Mickaël, aka The Boss of Radio. Tough, aka The Dog de la Casse, alias motherfucker. Polo, aka The Wonderful Lourdeur. Amina, aka The Beauty of Couscous. Seba, aka Le Bodybuilder en carton, alias La Grande Saucisse. Tu comprends, motherfucker? Ça va chauffer à LA. Le gang Mickaël débarque sur Energy. Twitter, Facebook et Instagram. Et Mickaël officiel. Et sur Energy de minuit à 4h et le dimanche de 20h à minuit. Allez, bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça arrive à Mina, pourquoi elle sursaute comme ça? Il m'a fait peur. Elle a peur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On fait de la radio, elle est encore à moitié endormie, c'est pour ça. Elle a vu la tête de teuf, surtout. Ah, c'est ça. Comme c'est Halloween, elle se dit tiens. Oh. C'est vrai, c'est bientôt Halloween. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, elle fut plutôt pas mal. Hein. On est là, tranquille, toujours depuis Los Angeles. Bah oui, à la cool, ouais. Sous le soleil, sous voilà, le soleil. Tranquille quoi. Hier on était, on vous mettra les photos, les vidéos aussi. On était à Santa Monica et à Venice Beach. Venice Beach, je sais pas si vous voyez, c'est là où il y a le, dans le générique, dans Californication, ouais. David Duchovny, où il y a marqué Venice. Bon, on l'a vu le, ouais, le panneau, on était dessous. On l'a mis Toff en dessous, mais pff, ça a pas eu le, les mêmes, non, effets. Hein. Il s'est effondré. Ouais, ouais, ouais, ouais. Parce que le rêve de Toff serait d'être, d'être David Duchovny dans, ah bah grave, dans Californication, hein, mais Anki Moody. Mais malheureusement, bon, il a pas la Porsche, il a pas le style, il a pas les cheveux, il a pas l'argent, non, il a pas les meufs. J'ai même cherché la maison, mais j'ai pas trouvé. Ah non, bah il a rien, voilà. C'est dommage, hein. C'est dommage, ouais, ça partait d'un bon sentiment, mais bon, ouais, c'est, voilà, c'est comme ça, c'est dommage. Bon, ce soir, on va se faire les appels mal intentionnés, bien entendu. On fera le jeu du Tupu. Si vous voulez participer au jeu du Tupu, bah vous n'hésitez pas, bien entendu. Vous pouvez vous inscrire via le WhatsApp de l'émission. C'est sur le Facebook. On a mis le numéro de téléphone pour nous joindre sur le WhatsApp. C'est Seba du Standard qui essaye de le gérer. Qui essaye, bien sûr, hein. Voilà, donc seba@energie.com aussi pour. Bah vous inscrire, n'hésitez pas. On écoutera le son de Sia, David Guetta, Alex Ayono. Qu'est-ce qu'on aura aussi, 21 Pilots dans quelques minutes. Et puis là, on va se démarrer tranquille avec le son de J Balvin. Maintenant sur Énergie, c'est Mickaël, live from LA, mother. Okay. Allez, bougez pas de là, on est lâché à 4h. Aïe, allez, gusta. Aïe, allez, gusta. Aïe, allez, gusta. Aïe, allez, gusta. Let's go. I'm let me gusta. Aïe, allez, gusta. Baila, me gusta. Mami, mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas, hoy tú andas. Baila pa' mí. Vente conmigo, así me gusta. Sola conmigo, a ella le gusta. Vente conmigo, así me gusta. Sola conmigo. Que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí. Esta mirada provoca y tú toda loca. Te muerde los labios cuando suena el beat. Oye, papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí al tsunami. Wavy, así lo que me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger. Let's go. Ay, le gusta. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu body. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas. Baila pa' mí. Vente conmigo. Así me gusta. Sola conmigo. Ahí es instinto salvaje que me gusta cuando se pone de espalda. Que empiezo a mirarla, la tela me raga y seguimos aquí. Oye, papi, vamos con mis amigas para el party. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí al tsunami. Wavy, así lo que me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta. You know I like it when tú fresco. Me llamo princesa, voy a coger provecho. A mí me gusta. A ella le gusta. Baila pa' me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta. Cette semaine, Mickaël est à Los Angeles. Du lundi au jeudi de minuit à 4h. Et le dimanche de 20h à minuit sur Énergie. Bonne soirée tout le monde et bonne nuit même. C'est Mickaël sur Énergie, toujours en live depuis Los Angeles. Avec le son de 21 Pilots qui est une grosse tuerie. Vous le connaissez forcément, on va vous le remettre dans quelques minutes. On aura aussi les appels mal intentionnés à suivre. Et on devrait goûter puisque vous le savez, c'est bientôt Halloween. On a trouvé des cupcakes couleur Halloween. Bon, nous on prend tout, hein. Tout ce qui est à bouffer on prend. Alors, là, ah bah ouais, attends. On avait trouvé les Oreos couleur Halloween. On les a pris, on vous en a offert déjà quelques-uns. Ce soir d'ailleurs encore, on va se refaire un petit tirage au sort sur la chaîne YouTube. YouTube de l'émission. Donc si jamais vous avez envie de choper votre pack Oreo, venez nous rejoindre sur la chaîne YouTube. C'est M-I-K-L officiel. Laissez un commentaire sur la vidéo où on vous montre justement, avec la vidéo 360 d'ailleurs, les Oreos spéciaux pour Halloween. Et donc on goûtera cela, les cupcakes tout à l'heure. Et on va récupérer Nico qu'on a eu hier soir dans l'émission. Salut Nico. Notre cassos du jour. Comment ça va? Ça va. Bon, Nico qui nous avait appelé hier, je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs. Ah oui, si, pour nous raconter l'histoire. Il nous avait appelé il y a un an. Et au moment où il commençait à raconter l'histoire, paf, il se fait gauler par les flics. Du coup, amende, j'imagine, hein, parce que combien, Alors, combien, t'as eu combien d'amende à peu près? Juste comme ça, hein, pour voir. 120 euros. Ah merde, je croyais que c'était 130, moi. Oh la vache, putain, t'as fait déçu. Non, mais c'est une parce que quoi? Et puis 3 points en moins. Et 3 points, 3 points en moins et 120 balles. Oh. Il te reste combien de points du coup? Oh la vache. Donc là, il me reste 6 points. Oh, 6 ça points. Va. Ouais, bon, bah, il faut plus faire de conneries, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment. Il faut essayer. Bah, attends, tu vas être obligé. Je vais encore vous arrêter parce que. Quand je me suis arrêté, en fait, il y avait 4 gars en fait, qui attendaient aussi leur permis et leur carte grise et tout ça. C'est, oh là là là là. C'est trop hippique, en fait. Je m'arrête juste à côté, puis les gars qui me demandent qu'est-ce qui est derrière. Bah, je me suis fait gauler pour le téléphone, bah, nous aussi, et 4 pareils. Ah bah oui, mais c'est la loi. Ah bah il y a un moment. Il y a un moment, faut pas. Hein. Bon, j'espère que cette fois-ci, t'es garé, il n'y a pas de problème, t'es chez toi à la maison. Ouais, là, je suis à Metz, je suis tranquille. Là. Ah bah tranquille, alors parfait. Bon, non, je suis à 170 sur l'autoroute. C'est ça, ouais. Bon, du coup, tu nous avais appelé hier, donc, mais pour parler de quoi alors? C'était quoi l'histoire avant que la police débarque? C'est surtout vous tenir un peu, histoire de vous tenir en courant sur la petite histoire où je vous avais parlé il y a un an, c'est parce que j'avais une nana qui souhaitait avoir des gamins, on avait 8 ans de décalage. Et puis bon, du coup, bah, ça m'a bien aidé en fait. Le fait que vous pourquoi maintenant il y a moins de décalage avec ta meuf ou pas? Est-ce qu'on a réduit le décalage? Ah oui, bah voilà, c'est radical au moins, ça c'est sûr. Donc ouais, ça a été radical. Ça, ouais. En fait, un mois à peine après, ça a été fini. Ah oui. Ah oui, ça n'a pas été très long. Non, ça n'a pas été très long. Bah ouais, d'accord. Très fatigant, loin des yeux, loin du cœur. Bah ouais. Bon, bah du coup, quoi? Maintenant, t'es avec une autre meuf ou pas? Bah non, pas du tout, parce que j'ai pas le temps, parce que je suis intermittent du spectacle, donc on est en. Bah t'as pas le temps, justement. Eh, c'est parce que t'es intermittent du spectacle que t'as le temps justement de trouver des meufs à gauche et à droite. C'est un métier sérieux, quoi. Pas beaucoup d'intermittents. Ouais, mais y alors, attends, mais intermittent du spectacle dans quel domaine? Tu fais quoi exactement? Moi, je suis technique du son. Voilà. Bah attends, mais il y a moyen de pécho. Toff aussi, il faisait ça. Bon, lui, il pécho pas, mais lui, c'est une question de physique, ça n'a rien à voir. Oui, voilà. Voilà. Ouais, mais non, ce qui est bien, justement, comme t'es habillé en noir, que t'es dans le noir, généralement, les meufs, elles voient pas trop, quoi. Ouais, c'est vrai que t'as le côté positif à ce niveau-là, c'est vrai. Ouais, non, c'est pas faux. Bon, bah écoute, Nico, en tout cas, merci de nous avoir tenu au courant. Hein. Et puis. Je voulais surtout vous remercier parce que sur la route, quand il est 2-3 heures du mat, vous entendre, sérieux, ça fait trop du bien. On est bon. Ouais, c'est gentil. Merci, dis-le plus. C'est gentil, Nico. Bah voilà. Et par contre, est-ce que je peux faire une petite dédicace vite comme ça? Bah vas-y, profite. Bon ben, écoutez, à la police. Je fais des grosses bises à mon patron Patrick Feder, bise à Richard Darbois parce qu'on l'a rencontré il n'y a pas si longtemps que ça. Non, Richard Darbois, c'est la voix d'énergie, ouais, c'est lui qui fait ouais, énergie. C'est Buzz l'éclair aussi. Ouais. D'accord. Et Richard Gir aussi, entre autres. Le génie de la dame. C'est possible, entre guillemets, d'avoir une petite compilée perdue ou pas du tout? Oui, pas de problème, je vais te repasser ces mots au standard, il n'y a pas de souci. Salut Nico, en tout cas, merci d'avoir appelé. Et à bientôt. Et si tu reçois un jour la compile, n'hésite pas à nous le faire savoir, ça voudra dire qu'on saura que c'est bas travail. Oui, parce que Toff avait des jumelles tout à l'heure dans la maison, il cherchait ses bas, c'est bon, on l'a trouvé. Pas de problème. Bon, salut, merci beaucoup Nico, à bientôt. Ciao. En tout cas, c'est le passage à la radio qui a coûté le plus cher du monde, Nico. On 120, pas un jeu, 120 euros. Toff 100... paye tes amendes. Ouais, c'est... Ah oui, putain, c'est vrai qu'on avait lancé ça hier. Bah Toff, tu t'es engagé, non? Attendez, ah bah non. Oh putain, mais ça c'était sûr. Il a eu une compile énergie, bah, c'est... Non. Ouais. Non, mais comme de toute façon, on a lancé ce nouveau truc, chaque fois que Seba fait une connerie, il nous doit 10 euros. Ah oui, c'est vrai, on a lancé ça hier soir. Je pense que depuis hier, on a déjà de quoi payer l'amende. Oui, c'est vrai qu'on a lancé ça, effectivement. Dès qu'il y a une connerie, dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a un problème, bam, c'est 10 euros qui vont dans le petit cochon. Il a mis déjà 1000 euros dans la boîte. Et encore, parce qu'on a été tranquille, on n'a pas été regardant, on n'a pas tout sanctionné. Hein. Bon, allez, restez bien sur Énergie. On est toujours en live depuis Los Angeles en mode vacances. On a juste pris une semaine de vacances, mais on fait quand même l'émission pour que vous puissiez avoir autre chose qu'un best-of, tout simplement. Et donc, bah, 21 Pilots, on va écouter ça maintenant. On va revenir juste après. On est là tranquille avec les appels mal intentionnés qui sont à suivre avant 1h du matin sur Énergie. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes.